9. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On accueillera Jean-Samuel Guay avec sa nouvelle chronique automobile PRNDS. Marie-Laurence Audet nous présentera son segment Le loisir bien plus qu'un jeu et Alexandra Carignan nous parlera d'art et spectacle dans le temps et culture. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 21 janvier 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. On t'en dirait des studios de C'est fort à Trois-Rivières. Ça va, Jean-Philippe? Oui. Tu sais qu'il y a un mois, c'était vraiment un grand jour. C'était ma fête. Ah, ben bonne fête en retard, mais je t'avais déjà dit, par exemple. Oui, je sais. Mais ben, j'ai pas obligé de catcher qu'on est le 21. Ça fait mon pas censé mal. Ben non, quand même pas, quand même pas. Hé, hey, t'avais perdu tes clés ce matin? Ben non, pas mes clés. Ben oui, ouais, il était dans mes fesses. C'est ça. C'était pour ramener le fait qu'il était dans tes fesses. Dans les poches de derrière, en fait. Ah, ah, okay. On pourrait aussi lire. Ah! Oui, lire des... Nul, c'est découvert. Non, c'est ça, genre de mystique Madame Nunuche, genre qui verrait le futur dans une tâche de fesses, genre. Mais je mets jamais mes clés là, je sais vraiment pas pourquoi je les ai mises là. Ben, c'est un peu douloureux. Oui, mais je m'en suis même pas rendu compte en m'assoyant, je pense que j'ai les fesses gelées. Oui, il fait froid en tabarnouche. Si on voit la météo, le bulletin est... N'est-ce pas, Colette? Il fait frais dans la ah, en effet, il fait frais. Et voilà, c'est fait. Ça n'a juste pas d'allure. Donc, aujourd'hui, l'émission, Jean-Philippe, es-tu prêt pour autant de contenu? Je suis prêt. Hier, tu m'avais averti, donc je suis prêt. OK, c'est ça. Il faut vraiment le faire à l'avance un petit peu. Donc, on va voir à 8h Marie-Laurence Audet et sa chronique Le loisir bien plus qu'un jeu. Elle qui, en ce moment, est en train d'organiser là, le carnaval, pas qu'à faire. Plein de trucs. Des fesses. Des fesses. Ça pourrait être vraiment écrit différemment. Ouais, un peu. À 9h, Alexandra Carignan. Oui. Qui, elle, nous parle, comme toujours, au moins d'improvisation et plus. Et plus encore. C'est le bonus en plus d'improvisation. Mm-hmm. Autour de ça, on va avoir King Sexy Time. Bien sûr, on est mardi, donc c'est immanquable. Yes. Pas le choix. On va débuter avec Jean-Samuel, tout à l'heure, qui va nous parler d'automobile. Sa nouvelle chronique de Chaur, PRNDS. Aussi lisible dans Zone Campus. Aussi lisible. On essaie de rendre ça le plus lisible possible. Oui. On veut pas que les gens aient de la difficulté. T'sais. Si on plaçait le texte tout croche. Place tes mots. Ça, on peut faire ça bien. Un puzzle journal? Ah oui! Dans section loisirs, mais le journal au complet, c'est une section loisirs. Ouais, exact. Certains articles seraient écrits en sudoku, donc encore plus difficile. Le nombre des pages. Voilà. Le nombre des pages. Le nombre des pages. Oui. OK. D'accord. Ça part bien comme hier. Oui, c'est ça. Comme hier. Ben, c'est ça. Quand t'es là, c'est toi, c'est ta personnalité. On va pas te brimer dans ta liberté d'expression d'être n'importe quoi. Un peu comme moi, tu sais, on s'attend à ce que je sois en retard. Aujourd'hui, j'ai commencé à l'heure. Wow. Oui, quand même. Donc, on va faire ça tout à l'heure, PRNDS, mais avant, on commence en musique avec Trent Muller. Sur l'album Lost, voici Gravity featuring Gina Hunter et Lower Dens. Tout de suite. Ça, c'est fou. Ça s'écrit pas sur une ligne. Je te piche la pochette. Non, je pense que je l'ai ici. Ok, laisse faire là. Non, mais j'ai peur, elle est trop légère. Elle a pas l'air grosse, là. Tous les clés dans les fesses, ça va, mais un petit lait, un petit CD dans le cou. Ça, c'est non. Ça. Ouais. Bonne émission. Thank you. Tim Muller et la pièce Gravity featuring Gina Hunter et Lower Danza. Je savais pas que tu parlais allemand. Ben, ça ressemble à ça. Hein? C'est presque un rôle que je... Que tu te donnes. Que je me donne. Oui, un rôle de fendant. C'est toujours Assemblage Requis. Après cette chanson du palmarès anglophone, on accueille un nouveau chroniqueur à Assemblage Requis, Jean-Samuel. Bonjour. Bon matin, les amis. Ça va? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Avant de commencer ta chronique sur les automobiles, les voitures, les véhicules, les chars... Comme on dit. On veut savoir t'es qui, comment ça fait que t'existes, remercier tes parents, qu'est-ce que ça fait pendant les fêtes? Pendant les fêtes, ben, comme tout le monde, on s'est mouché, un petit peu de rhume. Ça, on échange des poignées de main, on échange des becs et les joues de ma tante, puis on se retrouve avec une espèce de grippe, une espèce de rhume qu'on ramène. Fait que c'est ça que j'ai fait pendant le temps des fêtes. Je me suis remis sinon, de mes affaires. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu des mains, puis après ça, ben, il a pogné un bras de vitesse, PRNDS, oh! You know. Parce que c'est ça le nom de sa chronique, PRNDS. Et explique-nous pourquoi PRNDS, ou comme je dis depuis quelques semaines, PRNDS. PRNDS. PRNDS, c'est le chemin du levier de vitesse automatique sur une voiture. Donc, parc reculons neutre drive sport. J'ai failli prendre l'Auto-Québec. Si j'avais pris ça, j'aurais pas eu besoin de l'expliquer à tous les fois. Auto-Québec, mais... comme dans l'Auto-Québec? Ouais, ça aurait été pratique. Ça aurait été l'idéal parce que ça se dit tellement bien. C'est 2-3 syllabes, fait que c'est super représentable. PRNDS, les gens comprennent pas. C'est pas quelque chose qu'ils sont habitués, mais en même temps, ils le voient dans leur voiture. Puis là, ils sont « Ah, OK. » Exact. Puis tu sais, il me semble que j'ai vu ça ce matin. Ah, ouais. C'est quoi déjà? Ce qui rend les gens curieux est toujours bon. C'est un peu comme le nom « Assemblage requis ». Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Absolument rien. Hein? Fait qu'assemblage requis, ça attire l'œil, ça... Non, ça attire pas l'œil. Okay. Comme les deux animateurs. Oui, ça attire l'œil. Ou t'essaies de pas trop y regarder parce que. Ouais, comme une éclipse solaire. Vous la pétez pas mal. Ah, tout le temps. Ah, en tout cas. Bref, donc, dans ta chronique PRNDS, on va aborder tout ce qui est automobile. Et là, on a plusieurs sujets. Aujourd'hui, déjà, le salon de l'auto de Détroit. Exactement. Il y a eu beaucoup de lancements au salon de l'auto de Détroit. D'ailleurs, j'étais un petit peu jaloux de ne pas être là. Plusieurs collègues journalistes automobiles se sont présentés sur les lieux. C'est pas très loin de Détroit. Puis c'est une belle ville quand même qui est un petit peu. En décrépitude. Oui, quand même. Ce que j'aime sur le salon de l'auto de Détroit, c'est que c'est le plus grand salon de l'auto en Amérique du Nord. Donc, il y a beaucoup de présentations, beaucoup de véhicules intéressants qui sont présentés, notamment les voitures américaines, donc la Mustang 2015 qui était présentée là-bas en primeur. Fait que c'est quand même gros. T'sais, pour les amateurs de performance, les amateurs de puissance, on voit l'arrivée de ce modèle-là comme étant une nouvelle... page d'histoire qui va être tournée pour les 50 ans de la Mustang. Fait qu'on a bien hâte de pouvoir l'essayer. À quand l'association avec le jus pour pouvoir faire genre Mustang à l'orange? C'est comme du tang à la poudre de jus que tu... Le tang? Ouais, celle-là, c'est pas ta meilleure. On n'avait pas le tang pour cette blague-là. Ouais, c'est le genre de chronique-là que tu vas faire, malheureusement. C'est complètement interdit de rire de la Mustang ici. On parle pas ici de la Mustang. J'aime la Mustang. Les autres véhicules, tu auras le droit. Si tu peux tout de suite chercher un jeu de mots pour la Corvette, puisque la Corvette arrive avec une 7e génération. Voiture puissante, bien faite. Puis d'ailleurs, je suis allé à Détroit récemment. Pas pendant le salon de l'auto. C'était une invitation de GM. Ils nous invitaient là-bas pour nous présenter seulement le moteur. Ah oui. Seulement le moteur était présenté là-bas. On était peut-être une soixantaine de journalistes. Puis moi puis un autre journaliste du Toronto Star, on se disait... Tu sais, pour qu'il fasse venir 60 journalistes, c'est peut-être quelque chose de gros. C'est peut-être plus gros que ce qu'on pense vraiment. Peut-être qu'il va annoncer l'arrivée d'un nouveau moteur à 9 cylindres, tu sais, un moteur V9. Puis là, il y avait des... Tu sais, c'est impressionnant parce que, tu sais, il y avait des espèces de voiles sur le moteur. Puis tu sais, il y avait des jolies filles qui étaient là bien habillées avec des robes, puis... Juste pour le moteur, il n'y a pas de voiture. Y a rien, c'est seulement la présentation du moteur. Fait que, il lève le rideau et c'est un moteur V8. C'est un moteur. Les particularités de ce moteur-là, ben, c'est un moteur V8 de 6,2 litres. Donc, la même cylindrée que les précédentes versions. Toutes les doses de légumes que tu as d'habitude dans ton V8. Toutes les. Tira un à battre là. C'est le grand frère de moi. Donc, le moteur V8 a ces particularités-là intéressantes. Il y a l'injection directe de carburant, les soupapes variables et... Il y a aussi... excuse-moi, c'est quoi non l'autre? C'est super important. Voilà, l'extinction de 4 cylindres à bas régime. Fait que ça, quand tu roules à vitesse de croisière, t'as l'impression de rouler avec un Honda Civic. Ça, c'est un petit peu plate. Mais tout ça dans le but d'avoir une meilleure performance, d'être capable d'économiser de l'essence dans une Corvette. Mais justement, mais bon, c'est... Non, vas-y. Oui. C'est juste une blague. Vas-y, toi, c'est sérieux. Ben, ils vont sûrement mettre un mode là, que tu peux l'enlever. Ça. Les gens vont pas vouloir nécessairement le mettre tout le temps, d'après moi. Quand t'es à vitesse de croisière, ça va s'ajuster automatiquement. Quand t'es à vitesse de croisière, il va se faire automatiquement. Mais si tu veux l'enlever, tu donnes un petit coup de gaz. Puis c'est fini. Ouais. Puis tu retrouves la sonorité impressionnante et gutturale du moteur V8, qui est toujours aussi satisfaisante. Il y a beaucoup d'écologistes qui vont dire ah, il faut réduire les cylindrées, puis il faut mettre moins de cylindres, puis il faut mettre plus de voitures hybrides. D'accord. Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, tous les supercars qui commencent à sortir de Ferrari, de McLaren, de Lamborghini et de Porsche vont sortir avec des motorisations qui sont hybrides, hyper performantes. Cependant, il n'y a rien qui est capable de battre le son d'un moteur V8 puis l'impression que tu te tasses un petit peu sur le côté quand le châssis se tord, tellement le moteur est puissant. Fait que c'est possible de faire un mélange des deux. Gardons le mélange des deux. Des voitures super économiques en essence et des puissants V8 qui viennent nous tasser sur le côté puis qui viennent mettre un petit peu de vent dans notre toupette. Moi, pour les Corvettes, là, oui. Pour revenir aux Corvettes, là, quand tu amènes ton char chez un concessionnaire de Corvette, il devrait se faire un branding que c'est un Corvettérinaire. Corvettérinaire, c'est ça. Oui. Ta petite bête. Là. Oui. Hey, t'as-tu moi? Hein? Hein? On dirait qu'il fait exprès, ça. Pour rire. Oui. Aussi, présentation de la nouvelle Golf de 7e génération, qui est voiture mondiale de l'année 2013. Donc, en Europe, ils l'ont depuis l'automne 2012. Et nous, on l'atteint ici pour mi-2014. Donc, d'ici l'été 2014, on va pouvoir l'avoir en essai. Puis, elle va être justement dans les salles de montre Volkswagen. Fait qu'on a bien hâte de voir ça, parce que Volkswagen, c'est la voiture du peuple. Donc, voiture idéale pour nombreux étudiants. Ouais. Puis, c'est tellement des voitures le fun à conduire. C'est tellement comme un semi-croquant tous les matins. C'est tellement, c'est tellement plaisant de conduire ce genre de voiture-là. Puis, en plus, le plus gros défaut que je trouvais, c'est la qualité de l'intérieur qui laissait un petit peu à désirer. Des plastiques de bon, les plastiques bon marché. Mmh. Puis, cette année, avec la nouvelle génération, ça a été complètement pallié. Donc, l'intérieur a tout cassé. D'ailleurs, elle est présentée au Salon de l'Auto de Montréal en ce moment. Pendant qu'on se parle, si jamais vous voulez l'avoir, si vous voulez avoir un semi-croquant vous-même. Oui, ben, c'est ce qu'on souhaite tous. Il y a plein de chaises autour de la voiture pour que les gens puissent s'asseoir le temps qu'ils le perdent. Sinon, c'est gênant. C'est ça, avec ton petit sac à dos sur, ouais. sur le... Il y a une vidéo de ça. Il y a un gars qui se promenait avec un semi-croquant, une espèce de faux semi-croquant dans le métro. Puis il mettait une caméra pour voir la réaction des gens devant lui. Puis il y a beaucoup de demoiselles qui étaient légèrement excitées. Ah oui? Donc, c'était à essayer. Si j'étais vous, je me gênerais pas de ce semi-croquant-là. Les demoiselles en question... Ah, ben, on va enlever les chocs. Pas mal. Ouais. On va animer deux. C'était de bout. Ça fait semblant qu'il y a des caméras cachées partout. Ça excuse tout. Tu sais, quand les gens te remarquent, tu fais comme hey, check une caméra là, mais c'est pas vrai. Oui, tu vas passer demain à 20h à TVA. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis là, tu t'aides à redresser la grand-mère qui était tombée. Oui. Avec ton troisième bras. C'est ça. Donc, c'est l'ordre de tout Montréal qui a lieu en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose que tu es allé visiter, ça, dans le passé, ou est-ce que tu y vas cette année? Je vais à peu près tous les années. On est allé à la journée média jeudi dernier. C'est au Centre des congrès à Montréal. Prenez donc le stationnement intérieur directement là, si vous ne voulez pas vous casser le cul. S'il y a bien quelque chose de plate à Montréal, c'est bien l'expression sur le visage des gens et se trouver un stationnement. Donc, prenez le stationnement là, cassez-vous pas le beignet. Je pense que c'est 20$, mais c'est 20$ que vous allez rentrer dans votre argent assez rapidement, essayer de vous trouver un parking. Puis à l'intérieur, écoutez, prenez le temps de bien visiter. Puis si jamais vous avez des enfants, peut-être les laisser à la maison. Laissez-les pas dans le champ qui est fermé. Hein. Non, ça c'est aussi une bonne idée. Puis prenez le temps de bien regarder, c'est vraiment l'endroit idéal pour choisir un véhicule, être capable de les comparer directement, parler avec les vendeurs. Puis laissez-vous pas embobiner, il y a des sondages un peu partout. Là. Répondez à une question de sondage pour gagner 2 Lamborghini gratuites. Non, premièrement, tu gagneras pas, puis deuxièmement, tu vas être bombardé de courriels, puis tu sais, la moitié de ce qu'ils disent dans leur concours, c'est pas vrai. Fait qu'ils veulent juste t'avoir dans une espèce de banque de données pour t'harceler à tous les 15 minutes avec des trucs érotiques. Ouais. Je le sais, je me suis fait coincer. T'écris dans le Zone Campus aussi, Jean-Samuel. On te retrouve aux 2 semaines. T'as eu une chronique dans le plus récent numéro qui parlait de... Le plus récent numéro, c'était quelques trucs pour l'achat d'un véhicule et aussi la Devil 16. Un véhicule qui a été présenté au salon de Dubaï. Un véhicule qui, semble-t-il, afficherait 5000 chevaux vapeur. Mon Dieu! Donc, encore là, c'est comme le sondage, gagner 2 Lamborghini. Le véhicule est annoncé de même. On a vu des vidéos de la voiture en train de rouler, donc... C'est peut-être possible, mais encore là, tu sais, c'est comme... C'est des petits poneys, mais tu sais, c'est dans la famille des chevaux. 5000 chevaux, ça fait pas vraiment de sens. Tu sais, la Bugatti Veyron qui a été présentée avec un moteur W16 de 8 litres quadraturbo, développé 1001 chevaux, puis ça a été présenté des alentours de 2006-2007. Ça a demandé des années et des années de développement, puis de production, puis de tests et d'essais. Le véhicule en soi demande 300 000 $ juste en entretien. Donc, aussitôt qu'on fait entre 4 et 10 000 km, on change les pneus. À chaque 3 changements de pneus, on change les roues pour être sûr qu'il n'y ait pas de micro-fissure. Puis, tu sais, il n'y a pas moyen de faire ça dans ton sous-sol, là, avec Raymond, avec la craque. Lève ça sur le jack, puis let's go, on tosse ça, puis pas de trouble, là, c'est une belle bonne boat. Non, tu prends ça, tu prends ta voiture, tu la mets sur un bateau qui s'en va en France, à l'usine là-bas, tu fais changer tes pneus là-bas. C'est juste un changement de pneus. Tu t'en vas pas chez Unipneu pour ça. Puis le changement de roue, même affaire. Fait que c'est 300 000 $ juste en entretien. Puis quand on regarde un véhicule comme la Devil 16 qui développerait 5000 chevaux, qui pourrait rouler à 560 km/h, ça devient un petit peu difficile à croire. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe à Dubaï reste à Dubaï. En même temps, ils ont tellement d'argent, les salopards. Et c'est en partie grâce à moi, parce que je mets beaucoup d'argent dans leur portefeuille, parce que je consomme beaucoup d'essence. Ah ouais, voilà. Pas de jeu de mots à faire sur Do Not Buy. Do Not Buy. Du long en large. On revient pas à ses jeux de mots. Il dit hier, il était parfait pour hier, mais aujourd'hui, son contexte, pas drôle. Je sais. C'est ça, t'es déjà en production, mais en fait, je pense qu'il est déjà terminé. La date de tombée est déjà passée. Il y a un article qui sort dans le prochain sur le campus, mardi prochain, qui lui va parler de quoi? On regardait les ventes de véhicules selon Statistique Canada pour l'ensemble du Canada, dans le fond, et le Québec se classe au deuxième rang des plus grands acheteurs de véhicules. Donc, on y atteint quelque chose comme 440 000 ventes de véhicules en 2011, suivi par l'Ontario qui arrive en premier avec 600 quelques mille véhicules vendus. Puis là, on s'entend, quand je parle de véhicules, je parle pas de pédalo, je parle bien sûr de n'importe quelle sorte de camionnette, camion, fourgonnette, voiture, petite voiture compacte, etc. C'est l'ensemble des véhicules vendus. Toujours neuf, exactement, ouais. Des flambants neufs. Et l'Ontario est le plus grand acheteur. Puis c'est quand même drôle parce que je disais précédemment que 600 000, c'est à peu près le même nombre de Ford F-150 qui ont été vendus aux États-Unis la même année. Donc, il en achète en tabarouette des Ford F-150. Puis c'est pas mal ce qui tient fort dans la vie, sérieusement. C'est hallucinant. Imagine, tu fais un profit de, mettons, 1000 pièces. Par Ford F-150. Puis t'en vends 600 000. Juste au States. Boum! Mets ça dans mon compte, le gars. Ben, je trouve que ça rentre. Pousse fort parce que faut que tu signes, il y a trop d'épaisseur. Puis aussi, dans le fond, c'est ça, l'article fait juste dénoter le fait qu'on dépense beaucoup d'argent pour notre véhicule. Puis idéalement, si jamais vous êtes en train de vous magasiner quelque chose, vous êtes au terme de vos études, vous voulez vous gâter, le meilleur achat que vous pouvez faire, c'est un véhicule qui a plus d'un an d'usure. Mais dépassez pas trop. Après 10 ans, c'est pas un bon achat. Puis en passant, j'ai failli dire investissement. Ouais. S'arrêter un petit lapsus parce que c'est plus une dépense. Une voiture, c'est tellement une dépense. Puis vous rentrerez pas dans votre argent à moins que ce soit une voiture de collection. C'est puis pas on n'est pas vraiment. Mettons. Exactement. Fait que si vous voulez dépenser le moins possible, un véhicule neuf va perdre entre 40 et 60 % de sa valeur les 3 premières années. Wow. Donc pensez à acheter une voiture avec 3 ans d'usure. Puis vous allez au moins sauver ces 50%-là. Si vous prenez votre voiture à la location, la façon que la location est calculée, c'est qu'ils vont calculer le taux de dépréciation du véhicule. Puis admettons qu'ils perdent 15 000 $ sur 3 ans. Bien, à ce moment-là, ils vont séparer ce 15 000 $-là en 36 mois, donc sur les 3 ans. Puis ça va être le montant de votre location. Donc prenez un véhicule qui a un taux de dépréciation le moins élevé possible. Ou sinon, prenez-le. Puis en passant, ça se fait des locations pour les voitures usagées. Là. Ah, je savais pas ça. Absolument. Ah, moi non plus, je savais pas. Tout se fait. Si vous voulez acheter une voiture, ils vont s'arranger pour que ça se fasse. Inquiétez-vous pas avec ça. Fait. Idéalement, une voiture avec 3 ans d'usure, puis prenez un véhicule qui est le plus fiable possible. Si vous y allez avec des produits germaniques, donc BMW, Audi, Mercedes et Volkswagen, prenez la neuf. C'est pas grave. Ça vieillit mal ou c'est... Non, c'est... S'il y a des petits problèmes de fiabilité à long terme, des problèmes électriques, des problèmes récurrents au niveau de la... des composantes électroniques, des petits pépins, des petits problèmes, vous serez... Puis particulièrement avec les produits Mercedes et BMW, vous ne serez pas en reste de l'acheter avec un restant de garantie. Donc, si vous la prenez avec... 4 ans d'usure, puis vous avez un autre 4 ans à faire avec, bonne chance. Puis ça coûte tellement cher les réparations sur ces voitures-là. C'est ça. Surtout sur les voitures de luxe, BMW, Audi puis Mercedes, là, une pompe à l'huile, ça peut coûter des alentours de 3 000 $. Puis tout le monde sait, tout le monde a 3 000 $ de côté au cas où qu'on ait des réparations, n'est-ce pas? C'est ça, toujours. Est-ce qu'on a des napkins en studio? Je viens de renverser mon café. On va appeler Linda. C'est Mais c'est comme un Mac, tu prends l'Apple Care, parce que moi, il fallait que je fasse changer la pompe à l'huile sur mon Mac, là, puis c'était pas... C'est quand même Mac, là, ça a dû coûter 2-3 000 pareil. Ouais. Je m'en achète un bientôt, là, mon PC va tellement mal, Jésus. Je te conseillerais comme tu me conseilleras sur mon char inexistant parce que même pas de permis. Mais tu vois comment je parle. Vous avez pas de permis, vous avez pas de voiture les deux? Oui. Qu'est-ce que t'as comme voiture? Oh. Ah, une Audi A4, 2004. Puis elle va bien? Très bien. J'ai acheté avec un restant de garantie. Son regard fait comme... Ouais. Tantôt, je te vois en train de tripoter ton fil, là, nerveusement. Non, j'aime bien ça. Je me tatille les doigts, ça me tient réveillé. non, mais pour de vrai, j'ai vraiment été chanceux. Mais c'est vrai que pour avoir eu une Vaux avant, puis ben là, une Audi, c'est problème électrique assez fréquent. Mais j'ai eu la chance de toutes les faire réparer avec le restant de garantie. Puis là, j'ai plus de problème. Le truc que je peux te donner, c'est qu'aussitôt qu'il arrive un petit pépin, quoi que ce soit, aussitôt que tu vois une imperfection dans la conduite, c'est de t'assurer que tu vas le faire réparer, puis tu vas le faire inspecter. Oui, c'est ça, exactement. Puis inspection rigoureuse aussi du véhicule. changement d'huile récurrent, mais c'est tellement plaisant à conduire. Si j'avais une voiture à m'acheter, parce que j'en ai pas puisque j'en essaie toutes les semaines, si j'avais une voiture à m'acheter, j'irais certainement m'acheter une voiture germanique comme ça, puis c'est tellement agréable. D'ailleurs, la semaine passée, j'ai essayé le nouveau Jetta 2014 avec un moteur 1.8 litres turbo. Et c'est un charme. Oui, il paraît qu'il est vraiment bien. Oui, avant, j'avais une Passat. Une vieille Passat. OK, fait que t'es un as du volant. T'aimes t'amuser sur la route, j'imagine. Exactement. Tu fais pas ça juste pour le look, juste pour sortir tes clés d'un bar, montrer ça à une blonde qui... Fais ça aussi pour ça. Ben oui, c'est ça. Mais des fois, je mets mes clés dans mes fesses. Comme ce matin. Je cherchais mes clés. Ça, c'est pas à ton avantage, en passant. Non, je sais. Tu gagnais les points auprès des auditrices avec ta Audi. Ouais, puis là, ça vient tout dropper avec une bosse dans les fesses. Gâche tout. Misère. Autre chose, Jean-Samuel? Oui, ben justement, la Jetta 2014 que j'ai essayé la semaine dernière avec un nouveau moteur, 1.8 litres turbo qui vient remplacer le 2.5 litres. Un moteur à 5 cylindres que je trouvais quand même... Le moteur à 5 cylindres, le problème, c'est qu'il consommait trop d'essence. Puis quand on consomme trop d'essence, on consomme beaucoup d'argent. Et quand on consomme beaucoup d'argent, il n'en reste plus pour aller dans les bars pour faire notre chiot pour des jolies blondes sur le coin. Puis ça, on peut-tu dire chier? Ouais, déféquer. Ben ça fait chier, t'sais. Quand on a plus d'argent à la fin de la semaine à cause de l'essence. Puis tu sais, c'est pas comme si on donnait ça à une œuvre de charité, tu sais. Quand tu mets 80$ puis tu donnes ça à SO, tu te sens pas nécessairement bien à la fin de la semaine, tu sais. T'as l'impression de l'avoir perdu un peu. Fait que l'économie d'essence est importante et la Jetta est capable de nous offrir ça avec son nouveau moteur 1.8 litres qui développe 170 chevaux et 184 livres-pieds de couple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout ce couple-là à bas régime disponible dans les alentours de 1750 tours minute, donc à partir de quasiment au début. Tout le couple est disponible, donc ça avance efficacement. Puis en plus, une économie d'essence accrue, les alentours de 10 litres au 100, c'est quand même plus élevé que la plupart des concurrents. T'sais, Mazda va arriver avec son système SkyActiv qui va être plus efficace, mais il n'y a aucun qui va offrir une conduite aussi sympathique. C'est ça qui arrive. Disponible en version diesel, sinon si jamais vous voulez vraiment économiser de l'essence, puisque le diesel n'est pas de l'essence, vous économiserez beaucoup avec la motorisation diesel qui débute des alentours de 22 000$. Et sinon, vous avez toujours la version hybride qui est disponible depuis la semaine passée. Super. On est allé essayer au Nouveau-Mexique, on est allé faire un petit tour au casino, puis on a perdu de l'argent. Puis quand je dis « on », je dis « c'est moi, ça ». Exactement de ta poche. L'argent que tu aurais pu économiser dans l'essence tout au casino. Exactement. Au final, la Jetta, voiture dynamique, sympathique, bien construite. Puis je trouve que... Puis je m'assistais avec mon technicien mécanique, Carl Boissonneau, qui, lui, a commencé à faire la mécanique au moment où je suis né. Donc, disons qu'il a plus d'arguments que moi. Il a commencé un petit peu avant moi dans l'automobile. Puis il disait qu'il considérait pas ça comme une voiture de luxe. Lui, il s'ostinait en disant que c'est une voiture du peuple, c'est une voiture qui était bas de gamme. Puis je suis pas d'accord avec lui. La Jetta, selon moi, si tu te promènes en complet veston puis tu sors d'une Jetta avec les bancs en cuir, je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus d'une voiture de luxe pour un prix qui est intéressant. C'est comme ça qu'ils font leur marketing aussi, pas mal, Jetta, il me semble, de ce temps-ci. Ben moi, quand je sors de là, puis que je suis bien habillé, je me sens pas cheap. Là. Sérieusement, l'intérieur est super bien fait, l'utilisation de matériaux de bonne qualité, puis en plus, une conduite dynamique. Aussitôt que tu pousses un petit peu, tu as des sensations fortes. Justement, on parlait de semi-croquant tantôt, ben ça ancré, donc... Puis moi, c'est important. Il y a des gens que c'est la fiabilité qui est leur critère de base, d'autres qui ont plusieurs enfants, donc c'est l'espace. Moi, c'est le plaisir de conduire. Puis tu sais, quand je parle de voiture, je vais vous en parler avec émotion, avec des comparaisons érotiques parfois. Oui. Parce que c'est ce que ça génère, hein? C'est ce que ça génère de conduire une voiture qui est le fun, de conduire une voiture puissante. Ça crée des sensations qui sont légèrement érogènes et érotiques. Donc, j'ai bien aimé la Jetta. Mais si vous cherchez une voiture dans cette catégorie, je prioriserais quand même la Mazda 3 devant. Qui a eu un relooking cette année que je trouve impeccable. Puis en plus, avec son système SkyActiv qui fait des merveilles. Cependant, ne vous fiez pas seulement au système SkyActiv pour Mazda. Tu n'allez pas penser que ça va consommer 5 litres au 100. Non. Moi, est-ce que j'ai le temps pour une petite question? Ben oui, parce que justement, tu parlais de plaisir. Toi, est-ce que tu conduirais diesel ou essence? Absolument. Ouais? Absolument. Ouais? Si j'avais une voiture à m'acheter, ça serait une Jetta diesel. C'est hallucinant. Quand je l'ai conduite, j'avais fait le plein. Puis si je me trompe pas, ça affichait 1200 km avant le prochain plein. Ah ouais, c'est incroyable. T'as comme l'autonomie qui est affichée, là. 1200 km sur l'autoroute, c'est impressionnant. Puis moi, je fais souvent Québec, Trois-Rivières, Montréal et ainsi de suite. Donc, pour l'économie d'essence, c'est hallucinant. Puis le couple est de 236 livres-pieds, si je me trompe pas, puis il est disponible vraiment à bas régime. Donc, on n'a pas l'impression de conduire un tracteur à gazon de l'après-guerre. Et ça fait un travail exceptionnel. Cependant, ce qu'il faut faire attention avec les véhicules allemands, c'est le coût des options. Le coût des options est tellement élevé, ça coûte cher tellement rapidement qu'il faut, faut faire un petit peu attention. Moi, si j'achetais une Jetta, je la prendrais avec l'écran tactile. Donc, en partant, je ne peux pas avoir accès aux versions de base. Donc, je commence déjà à 26 000 $ Fait que pour avoir l'écran tactile, on n'a pas le choix de le prendre dans un ensemble d'options. Cet ensemble d'options-là vient avec les bancs en cuir. Génial! C'est ce que je veux, des bancs en cuir, mais ça, c'est encore un petit peu plus cher. Ouais. Puis finalement, on s'en sort là, dans l'entour de 27, 28 000. Fait que, mais au moins, je priorise la boîte de vitesse manuelle. Fait que je sauve déjà 1400 $ sur l'achat. Est-ce que vous conduisez manuel les deux? Je conduis pas du tout. Je suis à pied, moi. Mais si, admettons, il y a une attaque de zombies. Okay. Le monde est en train de tomber. Puis il y a une vieille dame qui te crie: prends ma voiture, sauve le monde, Mathieu. Je suis pas une vieille bonne femme à mettre devant moi comme bouclier. Prenez elle. Après ça, tu vas avoir besoin de sa voiture, j'imagine. Ah, un coup qu'elle va se faire dévorer par les. Tu vas plus ma blonde et tu dis pas non. La question, c'est si la voiture est manuelle, est-ce que tu meurs? Ou est-ce que tu es capable de t'en aller? Non, non, je pense que tu surestimes mes connaissances. J'en ai aucune connaissance. Aucune connaissance. C'est zéro. Il y a beaucoup de gens dans ton qui sont dans ta situation, puis qui achètent un véhicule, puis qui n'ont pas le choix de payer minimum 1200 $ Parce que c'est ça que ça coûte une boîte automatique sur un véhicule neuf. C'est minimum 1200 $ sauf pour les voitures sous-compact. C'est dans les alentours de 1000 $ Donc, si vous achetez un véhicule neuf, vous conduisez pas manuel. Puis vous remarquez, les gens qui conduisent pas manuel vont trouver des raisons. On se trouve des défaites. On se trouve des. Oh, le café le matin. C'est mon café. Je suis dans le trafic le matin. J'aime pas ça le trafic. Moi, c'est parce que c'est trop raide pour la jambe gauche. Puis c'est parce que j'ai une jambe en bois. Ta gueule. Des défaites. Voyons, c'est ça. C'est bien que tu dois avoir une prothèse. En tout cas, qu'importe. On est en 2014. Trouve-toi une façon de conduire manuel. Puis en passant, il n'y a rien qu'un stationnement vide à 9h le soir. Est pas capable de t'apprendre. Donc, reste seul dans ton stationnement, ta voiture manuelle, tu vas faire des erreurs, mais au final, puis en passant, là, si jamais t'hésites encore, là, ben, ça coûte 1200 $ donne-moi 600 pièces. Je vais t'apprendre. Puis tu vas quand même sauver 600 $ au bout. Fait que tu vas devenir gagnant, puis tu vas voir. Puis c'est drôle parce que tous ces gens-là, une fois qu'ils apprennent à conduire manuel, hop, là, ça devient plus le fun. Puis hop, c'est vrai que c'est plus sportif, c'est vrai que c'est plus intéressant. C'est vrai que. T'as-tu vu le gars qui part pas sa verte, là, ça doit être une automatique. Puis là, ça se met à chialer sur les gens qui ont des automatiques. Ça sort sa jambe de bois, puis ça fait aller dans si je peux me permettre, ça, c'est un autre point que je trouve intéressant. Les premiers, là, sa lumière verte, vous avez une responsabilité. Auprès de tous. Vous avez une responsabilité. Avez-vous compris, là? Vous devez avancer. OK. T'as pas le temps de commencer à chercher un CD ou commencer à t'engueuler avec ta blonde. T'es le premier. T'es là pour avancer. T'es là pour tasser. T'es là pour que ça circule, ça soit fluide, pour que ça fonctionne. Puis ça fonctionne pas quand tu restes tallé. Puis que je te vois en passant, je suis en arrière, je te vois. J'ai rien que ça à faire, moi, de t'en aller en arrière de toi. Donc ta responsabilité, c'est d'avancer. Si t'as une boîte de vitesse manuelle, mets-toi donc en première, tout de suite. Mets-toi donc en première. C'est pas le temps d'être en quatre. Puis là, après ça, tu cherchais ta première. Mets-toi en première tout de suite. Tu vas juste avoir à lâcher l'embrayage, accélérer un petit peu. Et c'est parti. Puis ça va t'éviter de te faire brandir une jambe de bois quand je vais te dépasser. Voilà. Hey, j'ai presque tout compris ce qu'il a dit. Pas mal tout. C'est pour ça que je suis le Mathieu. Pour ça que on est là pour le peuple, n'est-ce pas? Exactement. Et s'il y a quelqu'un qui est peuple, c'est bien moi. Dans ce cas-ci, parce que je connais rien comme vous autres. Jean Samuel, merci beaucoup. On te retrouve la semaine prochaine. Ça va tous les mardis à 7h30. Absolument. Je vous invite sinon à visiter mon site internet qui commence un petit peu à battre de l'aile, puisque comme une relation de couple, quand on l'entretient pas, ça paraît. Puis ça commence à tomber un petit peu. Mais visitez le www.prnds.net. Sinon, la page Facebook est entretenue à merveille. C'est d'ailleurs ma nouvelle maîtresse. La page Facebook PRNDS est vraiment très charmante. Vous avez beaucoup d'informations automobiles là. On échange beaucoup sur les sujets d'actualité. Le Salon de l'Auto de Détroit, le Salon de l'Auto de Montréal. Et si vous avez des questions, vous êtes en train de magasiner un véhicule, vous hésitez un petit peu, ou vous avez 600 $ à me donner pour que je donne des cours de conduite avec une boîte manuelle, à ce moment-là, vous pouvez m'écrire directement sur la page Facebook. Et c'est super simple, c'est facebook.com/prnds.net. Facile. Puis sinon, je laisse tout le temps mon numéro de téléphone ici en onde. Si jamais vous avez des questions, vous voulez m'appeler directement. Bonne idée. C'est le 418-999-6949. Puis en passant, quand vous m'appelez à 3h dans la nuit, puis vous chuchotez, je m'ennuie de toi. Je reconnais, j'ai un afficheur. Je mets pas une joystick dans mon char. Je pense que j'ai quelque chose. On pourrait avoir une chanson thème qui ferait « T'es mon auto, t'es ma maîtresse, PRNDS ». C'est malade. Avoue qu'il est popé. Très fort. Je vais réagir autant que t'as réagi au mien de main. Histoire, pas de punch. Au moins, lui, il a réfléchi. Tabarnouche. C'était ta dernière chronique. Merci. À PRNDS, la semaine prochaine, mardi à 7h30. Ça, c'est bien. Merci. Salut, man. On se quitte avec Accident de char, Mimi Van Der Glo, puis on revient après ça avec Marie-Laurence Audet. Retour, tous en prison! Pour la chronique, le loisir bien plus qu'un jeu. Vous saurez ce que ça veut dire après la pause. Assemblage qui pour toi aujourd'hui? Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis ce mardi matin, 21 janvier 2014. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. T'as l'air tout subjugué par les événements. Oui, je cherchais encore la carte. Regarde dans tes fesses, je te dirais. Il y a une demi-heure, tes clés étaient dans tes fesses. Eh oui. C'est ça. Pas de l'arrière. Il s'en met des choses. Et c'est fou, hein? On peut... 89 on sous-estime cette place. C'est ça, c'est ça. Moi, par contre, une personne que j'ai très haute... très haut dans mon estime, si on veut. C'est Marie-Laurence au haut. Des. Le loisir bien plus que je. Bon matin. Bon matin. Pom pom. 2, 3. Bon, donc Marie-Laurence Audet, le loisir bien plus qu'un jeu. C'était beau, hein? C'était un duo. C'est comme sexe illégal, mais en. Oh. Je me demandais s'il y allait le dire. Bref, Marie-Laurence, bonjour. Bonjour. Toi qui est tellement sympathique et qui est de retour comme chroniqueuse à Assemblage Requis. Oui. Aux deux semaines et mardi matin. Exactement. Aujourd'hui, tu m'as dit qu'on parlait de loisirs, mais dans le milieu carcéral. Exactement. On sort des sentiers battus ce matin. Ben, donc, on entre dans des sentiers de d'autres sortes de battus. Ben, c'est ça. On en prison. On sort dans des corridors, en fait. C'était comme quand les portes ouvrent. Ils font tout le temps ça dans les films, ouais. Excuse-moi, j'ai pas commis de crime encore. Moi, je me suis pas fait pogner encore. C'est ça. Pour trouver mon sujet de ce matin, je me suis inspirée de la populaire télésérie Unité 9, que vous connaissez pas mal tous. Puis pour ceux qui le connaissent pas, ben, je vais vous faire un petit résumé. Unité 9, dans le fond, ça montre le milieu carcéral en milieu féminin. Donc, ça l'a mis de l'avant un peu les réalités qui se passent là-bas. C'est sûr que c'est en TV, là. C'est un peu différent. Hollywood pis tout, là. Hollywood PQ. Mais moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous savez ce qui se passe dans les pénitenciers près de chez vous? Vous savez ce qui se passe à Lietteville, là? C'est bien beau, cette histoire-là. Mais près de chez vous, est-ce que vous savez vraiment ce qui se passe? Une question pour vous, ça? Non. Passe. Je vais avec un appel à la famille. Parce que je peux quand même laisser planer un peu la question, là, qu'est-ce qui se passe en prison? Mais moi, je vais vous parler d'un aspect qui est le loisir en milieu carcéral, donc dans le milieu de la prison. En fait, c'est un domaine qui est plus ou moins connu et exploité. Parce que on imagine souvent qu'en prison, c'est plus le côté... Tu bench. Ouais. Tu lèves des poids. C'est un peu le côté punition, mais souvent, on associe plus le loisir au milieu un peu de luxe, au milieu récompense. Mais il y a des bienfaits autres que ceux qu'on connaît, puis je voulais les aborder avec vous ce matin. Donc, j'ai fait des petites recherches sur les interwebs. Non! Puis dans le fond, j'ai trouvé de la documentation qui provenait de l'administration pénitentiaire avec la sous-direction de la réinsertion sociale et professionnelle. Parce que ces instances-là sont reliées, le milieu pénitentiaire et les réinsertions, parce que suite à leur petit tour, l'autre bord des barreaux, qui reviennent parmi nous après dans le grand peuple. Mais plus sérieusement, dans le fond, les bienfaits du loisir qu'on a souvent abordé, qui étaient les personnes peuvent socialiser, peuvent s'épanouir et tout. On en parlait dans ta précédente chronique. Exactement. Mm-hmm. Des fois, on oublie aussi le côté qui aide à la réinsertion, puis aussi à se retrouver en soi. Parce que ces gens-là, après avoir fait un tour en prison, là, j'excuse aucun geste, mais il faut qu'ils reviennent dans la communauté. Puis il y a un clash entre derrière les barreaux, puis parmi les gens. Et à travers ce passage-là derrière les barreaux, ça leur permet aussi des fois de se retrouver eux-mêmes, de trouver des choses qui vont les intéresser, qui vont les passionner, mais aussi qui vont leur permettre de redevenir quelqu'un. Parce que souvent, on se dit, ah ben, on leur a donné du temps libre, c'est correct, on leur a offert du temps dehors, du temps devant la TV. Mais c'est pas juste ça, les loisirs. Les loisirs, c'est aussi permettre aux personnes de se découvrir. Puis, il abordait dans les articles que j'ai vus, de plus en plus de loisirs culturels. Donc, ils vont aborder, par exemple, on va faire des ateliers de théâtre, on va faire des ateliers d'improvisation, on va faire des concerts. Donc, des fois, ils peuvent assister, et des fois, ils peuvent participer, qui est deux aspects qui vont faire travailler des éléments différents. Et il disait que la majorité des milieux pénitentiaires possédaient des salles polyvalentes, qui est comme dans à peu près toutes les institutions, la grande salle. Comme un 10-12, polyvalent, le 10-12. Mais en mieux habillé. Ouais, en prison, c'est mieux que le 10-12. C'est ça. Du marbre, pis tout. Du marbre, pis tout. Sauf que la majorité des milieux ont une salle polyvalente, mais ne savent pas non plus bien l'exploiter. Donc, c'est de savoir aussi quoi en faire pour vraiment en maximiser les bienfaits. Puis là, il parlait des différentes possibilités qu'on pouvait faire, donc des différentes activités, comment on pouvait installer les lumières, comment on pouvait faire des spectacles et tout. Parce que ces gens-là, ça reste des humains. Puis si on se dit qu'on leur enlève les loisirs que certains considèrent comme un luxe, ce qui va arriver, c'est qu'on va les transformer en robots plus que jamais et le clash va être encore plus grand quand ils vont vouloir revenir en société. Ouais. Le but, c'est pas juste de faire en sorte qu'ils travaillent à la shop, puis qu'ils pensent plus, puis qu'il n'y ait plus rien qui puisse les stimuler dans la société. Fait que dans le fond, il y a aussi été abordé dans les différents textes que la profession du travailleur en loisir prend de l'expansion présentement parce qu'en loisir, c'est une jeune science. Puis, on commence à arriver dans ces milieux-là parce que quand tu regardes les dernières années, C'est quoi le personnel qui est en place en milieu pénitentiaire? T'as beaucoup de surveillance, t'as beaucoup de gens dans le milieu hospitalier de la santé, mais on oublie cet aspect-là. Souvent, il y a un travailleur social pour combien de prisonniers? Alors là, c'est eux qui abordent l'aspect loisir pour essayer de régler des problématiques. Là, nous, on arrive dans... Nous étant... Ah ouais, moi, je suis là. Allô? Donc, les professionnels dans le loisir, ils arrivent, puis ils peuvent faire valoir leur expertise dans le milieu. Puis ça a été prouvé, les bienfaits, que quand les gens sortaient, il y avait moins de récidives, souvent, par rapport à leurs actes, qu'ils s'intégraient plus facilement dans la société, puis souvent, ils vont commencer par aller faire des heures de travaux communautaires et tout, mais ils se réintègrent plus facilement parce qu'ils vont avoir appris à penser, à socialiser et tout à travers leur temps en prison aussi. Pis c'est ça où trouver Dieu. Fait qu'à un moment donné, on choisit ça. Ouais. Évidemment. Voilà. Bien sûr. Et en plus, je vais vous lire quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Il y a deux ministères à travers... tu sais, quand ils marquent dans les grands textes leur vision, puis à qui ils s'adressent, puis pourquoi ils sont là. Mais on peut faire des liens. Donc, il y a le ministère de la Justice, puis il y a le ministère... De la culture. L'autre, là. Mais dans le fond, je vais vous faire des citations. On ouvre les guillemets. OK, des gros guillemets. Ah okay. Oui, des guillemets en ondes. Ouvrez vos guillemets. Donc, le ministère de la Justice parlait que le développement culturel, c'était une composante de la politique de réinsertion, puis que c'était fondé sur, dans le fond, l'offre culturelle et artistique qui s'adressait aux personnes placées sous main de justice. Tandis que le ministère de la Culture, il parle que dans ses missions premières, il y avait celle de promouvoir puis de la création, favoriser l'accès à tous les arts, à toutes les personnes qui, notamment, étaient exclues en raison d'une situation sociale, personnelle et autre. Et quand on prend en considération ces définitions-là, on voit que le secteur de la justice veut offrir un côté aussi culturel et de loisirs aux gens, mais on voit aussi que le milieu de la culture veut s'adresser à tous, dont ceux qui sont exclus. On s'entend que tout rentre dans la chronique. Fait que c'est dans le fond, même les instances qui sont ministérielles reconnaissent les droits aux loisirs, reconnaissent le besoin de loisirs et reconnaissent de plus en plus les bienfaits. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Dans le fond, on dit aussi que à travers... Ah oui, c'est ça. Il disait que les activités les plus appréciées puis qui faisaient le plus de bien dans le milieu culturel, c'était vraiment la musique, la photo, l'art plastique, le théâtre. Puis que ceux qui n'avaient pas de salle multifonctionnelle en ce moment, ben ils parlaient soit d'en développer ou d'aller chercher des professionnels qui allaient pouvoir voir qu'est-ce qui est possible de faire avec un 10-12. Ah! Puis, c'est sûr que le loisir culturel, c'est pas la seule chose non plus. Là, moi, je veux dire, j'ai fait quelques recherches là-dessus. Je parle du ministère de la Culture. Mais tantôt qu'on parlait de Benchy, il y a ça aussi, tu sais. Il y a le loisir sportif, il y a 1 million d'autres affaires que tu peux faire en prison. Sauf que c'est de garder en tête que ces gens-là, ça reste des humains qui ont besoin de continuer à être stimulés, ils ont besoin de continuer à penser, à agir, puis à faire travailler autant leurs émotions que leur tête, parce qu'à un moment donné, sinon, tu te robotises. Tu fais de toi un robot. Mister Roboto. Puis, il y a une donnée super intéressante sur laquelle je voulais axer. Parce qu'il y en a qui ne savent pas que depuis 1948, le loisir, c'est un droit. Donc, le loisir, c'est un droit. Autant, c'est inscrit dans les chartes. Oui, les chartes. Parle des chartes. On parlera pas de ça au matin. En ostentatoire. Parce que le loisir, c'est ostentatoire. Qu'on enlève ça de partout. Ostentatoire matin. Puis, dans le fond, c'est ça. Le loisir, c'est un droit. Autant que l'éducation, autant que la santé. Donc, c'est de voir à quel point il intègre différents secteurs puis il peut faire toute la différence. Donc... Quand tu intègres un secteur, comme ça, ben, tu laisses faire le sécateur pour tuer quelqu'un. Oui. Blague puis de ça, tu peux éviter le secteur 4, oui, qui est les grands tués. Les grands tués, oui. Ceux qui sont en prison qui sont fait tuer, oui. ils mettent pareil en prison. Ouais, ouais. Chacun sa cellule. À chacun son aile de poulet. Ils sont pas trop dérangeants, eux autres. Non. Ils participent pas toujours, par exemple, aux activités. On a de la misère à avoir leur attention. Le taux d'absentéisme est élevé. Nous remarquons, je pense, qu'ils aiment pas le loisir culturel. Ils ont trouvé d'autres choses qui leur plaît plus. Dieu. Elle est bonne. Oui, merci. Oui. Ouais, c'est bon. Puis, c'est ça. Donc, moi, je voulais vraiment rappeler à quel point le loisir avait un impact sur l'équilibre des gens. Peu importe la personne. Mais peu importe la personne, parce que tu restes un humain malgré tout, puis que t'as besoin de t'épanouir. Oui, voilà. Voilà. C'est tout. Réintégrons la société. Oui. Faites comme dans votre recette préférée, intégrer la société à petite dose, embrassant sans cesse. Avec des loisirs. Avec des loisirs. Ben c'est ça, les loisirs, c'est comme de la sauce. Oui. Hein? Ah, sur, oui. Sur les pâtes de la vie. Bon. Sur la poutine. Ça serait rien sans ça. Chanter d'un bonjour. Marie-Laurence Audet, on te retrouve dans deux semaines. C'est tout le temps les mardis à 8h. Oui. Environ. Merci. Bonne journée. Yeah. Yeah. Marie-Laurence. Oh yeah. Au lieu de Audet. Oh yeah. Oh yeah. On va être de même dorénavant. Tu me fais penser à un petit chat qui aime se divertir. Ah oui. Donc voici The Cat Empire et Wild Animals. Alright. T'es wild, Marie-Laurence. Ouais. Oh yeah. Oh yeah. Marie-Laurence, oh yeah. On parle du carnaval étudiant qui continue pour le reste de la semaine dans l'assemblage requis. Ça, c'est fou. Restez là. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. toujours à Assemblage Rocky en ce mardi 21 janvier 2014. Ouais! Mathieu Planté, mon nom. Mais Jean-Philippe Charbonneau est le mien, j'ai hésité. Mais attends, mais par contre, mon nom est... Mais, nonobstant, considérant que... Le cas échéant. Sur mon baptistère. Donc, en compagnie de nous deux, là, Serge Pilote, là, on a aussi Marie-Laurence Audet. Toujours là. Qui est toujours avec nous. Pour parler, entre autres, du carnaval, parce que le carnaval a commencé hier et se termine jeudi. Est-ce qu'on fait un petit résumé de ce qui s'est passé hier, là, rapide, là, mettons, dans ce qu'on se rappelle qui a eu lieu, par exemple, mettons, le Café Bailey. Pour ceux qui s'en rappellent. Le Café Bailey's, une présentation de l'absentéisme au bureau. Non, de la motivation. La motivation, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Ben moi, j'ai assisté, Mathieu, à une joke, une bière. Okay. Hier, qui commençait à 19h au 10-12. One joke, one beer. One joke, one beer. Et puis, là, ça va faire... il y a une année où j'étais en stage. Il y a une année où j'étais enceinte. Oui, c'est ça. Je ne pouvais pas boire d'alcool. Non, mais tout ça pour dire, ben, tu sais, j'ai fait mon bac avant d'être en ce moment ici assis avec toi. Donc, ça aurait pu être un potentiel de 4 années, mais finalement, c'est juste 3. C'était mon du piano quand c'est ça. Oui, c'était mon troisième une joke, une bière, puis j'ai trouvé vraiment de haut calibre. OK. Vraiment, les jokes étaient très, très drôles. Ils m'ont vraiment fait rire. Explique-nous le concept pour ceux qui ne comprennent pas le nom de la okay. joke, une bière. Ben, rapidement, okay. Marie-Laurence pourra peut-être corriger si je me trompe. T'as un représentant par association étudiante qui sont inscrits au carnaval étudiant. Mais ça, c'est pas dans le titre. Là. Moi, le nom du titre, là, c'est pas genre un étudiant qui s'est inscrit, une joke et une bière. Non, mais c'est écrit en très, très, très petit, mais c'est écrit. Donc, un représentant par asso qui est en avant. Et puis, dans sur le fond, une chaise. Ouais, sur une chaise. Puis ça marche par ronde. Donc, chaque asso va dire une blague. Et puis après ça, ben, le public va voter pour sa passe ou sa casse. Donc, c'est par applaudissement, par cri, par tout ce que tu veux. Et puis, ceux qui vont rester là vont avoir une bière à boire jusqu'à temps que ce soit leur prochain tour à raconter une bière. Donc, c'est à peu près... À raconter une bière. À raconter une blague, oui. T'as bu ce matin, toi? Oui, ben tout le temps. Tu sais bien. Il n'y a rien qui commence mieux qu'un matin qu'une douze. Mais là, non, les gens doivent aller raconter une blague, mais j'imagine qu'ils se tapent tous un marathon de différents shows d'humour québécois pour réussir à copier les blagues. Là. Ben, écoute, il y en a qui sont récurrentes, je te dirais. Il y a des thématiques aussi qui reviennent. Oui, je te dirais que c'est grivois, c'est pas fait pour les oreilles prudes. C'est 18 ans et plus. Aucun achat requis. Détail en magasin. Oui. Et puis, donc c'est ça, oui, c'est sûr que les jokes plus grivoises, punchées, je te dirais que ça pogne tout le temps. Il y a plusieurs blagues qui sont venues. C'est Jean-René de La Luître qui animait. Cocotte Boutin, le même qui va animer le quiz musical aujourd'hui, oui. Mmh. Et puis, je dois t'avouer qu'il s'est pas gêné pour le dire quand c'était des jokes qu'on avait déjà entendus l'année passée. Il connaît l'humour, lui. Oui, oui, oui. Mmh. Alors oui, il était à jeun, puis il a pu s'en souvenir, lui. Donc c'est ça. Finalement, c'est ITR qui a gagné. Avec une bonne blague punchée. Là. C'était un plus droit, mais c'était drôle. Ben grivoise. Non, mais c'était très drôle. Et puis, ça s'en suivit. Une première partie, c'était... Dave Morgan. Que je connaissais. Comme le Café Morgan. Oui. Puis Dave, comme David Marin, mais son sobriquet, man. Son sobriquet, man. Dave. Puis, c'était vraiment drôle. Dave Morgan m'a vraiment fait rire. Ça, c'était encore en humour, là. Oui, mais là, ça, c'est la première partie. En fait, suivi d'une joke, une bière, qui était les étudiants, on avait un humoriste de La Relève, donc qui est en route pour un spectacle de La Relève avec Juste pour rire. Qui était la première partie de Sexe illégal. Merci, okay. Marie-Laurence. Toi, je me perdais, moi je partais. Là. Sexe illégal qui a créé la controverse sur les médias sociaux. On va voir notre responsable des médias sociaux. Oui. Hashtag. Donc oui, responsable des médias sociaux. En effet, il y a controverse sur les médias sociaux, Mathieu. Mais dites-moi en plus, s'il vous plaît, Jean-Philippe. Ah, ricochet! Non, mais je pense que ça n'a pas fait l'unanimité, malheureusement. Tu penses? Non, mais je pense, je suis convaincu. Je pense que la salle a confirmé que non. Non. Ça a fait l'unanimité de l'autre bord. Oui, mais écoute, autant j'ai entendu des gens qui ont vraiment trop trippé après le spectacle. Il y a quand même quelques personnes qui m'ont dit « Ah, hey, c'est-tu moi? » Ou il y a genre personne qui riait. Comment ça? C'était drôle. Puis autant la salle s'est vidée. Mais c'est un style, faut le dire, un style d'humour très, très particulier. On les a reçus en entrevue ici à C'est fou. On vous a fait jouer ça il y a quelques semaines quand ils étaient en spectacle à Trois-Rivières avant le carnaval. En effet, leur style d'humour ne plaît pas à tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Moi, je m'étais fait fait dire que c'était vraiment important de rentrer dans leur monde. Oui. J'ai essayé, mais c'est quand même très, très dur de rentrer dans le monde de sexe illégal, puisque les gens placotaient pas mal. c'était vraiment dur. Ça aide pas, ça, dans ce puis, temps. Peut-être un manque aussi d'interaction, je pense, pour ce genre de public-là, de la part c'était de sexe fermé, illégal. Quoi? Ils faisaient juste leur spectacle sans vraiment faire participer la foule? C'est un peu comme si on faisait nos gags juste pour nous deux, tu sais, Mathieu. Ah, ce serait-tu ridicule? Ça serait ridicule. Non, mais dans le sens que vous avez déjà remarqué qu'il n'y a pas de public non plus avec vous? Ouais, c'est la radio, tout le monde tout le monde a le droit de savoir. Le monde, oui, c'est ça. le meilleur de l'information. Ce qui arrive, c'est que je pense que les gens se sont pas vraiment sentis interpellés peut-être par eux. Ils étaient vraiment dans leur monde, ils se parlaient entre eux, mais sans vraiment dire qu'ils étaient là pour nous. Je pense que ça... Ça fait aussi partie de leur humour puis de leur... Oui, mais ça leur pas... marque de commerce. Ils sont dans leur bulle. Mais l'interaction, comme tu parles, qui est un peu à savoir, oh, je continue dans cette direction-là ou je reviens. Ça n'a pas été présent du tout. Puis je pense que ça s'est fait sentir. Moi, j'étais vraiment en avant. Là. J'avais quand même des bonnes places. Il y avait places. Des passes VIP. Hey. Mais c'est pas ça qui m'a garanti ma place. Mais on voyait peut-être un certain échange de regards, là, du genre comme, bon, OK, là, on passe la suivante, puis on go. On clenche ça. Là. On fait ça le plus vite possible pour s'en aller dessus. Ouais, ouais, je pense que ça s'est ressenti là, de leur part. Ce qui n'aide pas non plus, c'est que le public, et totalement à jeun, vous savez. Oui. Les gens arrivent, sont souvent déjà pactés. Puis des fois, c'est psychologique, mais t'as pas eu à payer à l'entrée. T'es pas obligé de rester. Tu peux partir, revenir, comme tu veux. Ça fait aussi une autre ambiance, contrairement à une salle de spectacle, parce que les gens se disent, j'ai payé mon plein prix, puis je peux pas me lever de même et déranger toute la rangée. Les gens, ils partent en bloc. On dirait qu'ils avaient plus conscience non plus qu'ils étaient dans un contexte de spectacle. En même temps, comme Jean-Philippe le disait, il y en a qui ont aimé quand même le spectacle, mais je pense que c'était déjà des gens qui étaient vendus. C'est ça, déjà leur public. Il y avait déjà leur public parce que ces gens-là sont restés jusqu'à la fin, sont allés les voir, sont allés jaser avec eux. Il y avait un public, mais ça n'a pas fait l'unanimité. Mais est-ce que je me trompe en disant que c'est le genre d'humour avec... Je sais qu'il y a des jeux de mots là-dedans, il y a pas mal de trucs un petit peu plus, tu sais, deuxième degré, troisième degré. Oui, ça c'est clairement... Est-ce que l'alcool vient nuire là-dedans? Parce que justement, il faut que tu réfléchisses un petit peu plus, contrairement à de l'humour facile où tu bois puis tu fais... Comme genre, une joke genre, une bière. Ouais, genre... ben ouais, c'est moins punché, exactement. C'est pas... Tu sais, c'est punché, mais c'est ça, au deuxième degré. Faut réfléchir. Les gens, j'imagine, voulaient pas avoir à se casser la tête pour ça. Mais en tout cas, moi, j'apprécie. Ouais. C'est dommage, mais bon, on saura pour la prochaine fois que peut-être que ce genre de spectacle-là fonctionne moins pour un spectacle d'humour. C'est très chanté aussi. C'est pas un spectacle de stand-up traditionnel, comme non, on exact, le voir. Bon. Exact. Donc ça, c'est la soirée d'humour d'hier. Là, on est mardi en ce moment, live. Et il y a une autre journée de carnaval qui commence. C'est la journée, je crois, si je me trompe pas, c'est la journée musicale aujourd'hui. Est-ce que c'est ça? En tout cas, c'est la journée numéro 2, certainement. Facilement. À la cafétéria, le menu est... Oui, c'est ça. Les tacos. Servi avec pommes de terre. Non, mais parlant de musique, on va y aller tout de suite à l'événement principal de la journée, je crois. Le focus de tout le monde. Oui, le mix 90, c'est fou. Hey, quel commanditaire d'Adon! Incroyable! Donc, c'est à 15h à la Chaise Galerie. Donc, ça aussi, c'est un représentant par association qui va se voir poser des questions. Ben, des questions sur la musique, c'est des questions de connaissances générales. Oui, avec un bloc spécifique années 90. Exactement. Une question par ronde, si je ne me trompe pas, d'années 90. Donc, aiguisez-vous vos connaissances sur vos compilations Much Dance. Soyez prêts et prêtes. C'est ça. Mais aussi du plus récent, années 2000 et 2010 plus. Donc, un paquet de questions, plusieurs rondes, et plusieurs participants et un seul animateur. Et un seul gagnant. Et un seul gagnant. Cocotte va animer encore ça aussi. Oui, exactement. Donc, Jean-René qui a fait quand même une très bon job, j'ai dit hier, mais il a vraiment animé d'une main de maître une joke une bière. Des fois, je le trouvais plus drôle que la joke qui venait d'être dite. Mais ça arrive. Et puis, c'est à quelle heure, excuse-moi? C'est à 15h, donc c'est à la Chasse Galerie. Gratuit. Et puis, rapidement... Laisse parler Marie-Laurent! Ah oui, ben là, je la vois pas, moi, dans mon angle mort. Exact. J'ai pas mon rétroviseur. Vas-y, Marie-Lou! À 15h aussi, va débuter une activité. Ça fait pas compétition avec celle de C'est fou parce que c'est une activité qui dure 24 heures. À 15 heures, on va recevoir la liste de Attraper les tous. Ah oui! Qui est selon la thématique un peu... Pokémon? Mais c'est la course au trésor. C'est la fameuse liste de courses au trésor. Moi, c'est mon activité préférée. Ben oui! Alors, je vais vous en parler. En numéro 2, après C'est fou, la musique. Mais oui, certains... Hey. On reçoit une liste qui est jusqu'à présent cachée. Donc, à 15 heures, nous la dévoile. Il y a des équipes de chaque association qui partent chacun de leur bord en mission. Comment ils partent? Et puis, sur cette liste, va se retrouver En fait, on ne le sait pas, là. Mais une liste de choses à trouver qui a un lien avec le carnaval. Donc, cette année, les années 90, qui sait, peut-être des jeux de notre enfance, peut-être... Hein, on peut essayer de deviner des yo-yo, des Game Boy, des films, on le sait mais pas. Mais toutes des affaires qui sont pas là d'habitude, qui ont été insérées là pour qu'elles soient trouvées. Non, en fait, c'est que tu dois les trouver. Ah, d'accord. Par chez vous, c'est pas une chasse au trésor, elle est pas cachée à la chasse-galerie ou en dessous d'un bureau. J'ai jamais compris ça. Non, non, non, c'est vraiment, mettons, je te dis, il faut que tu trouves un yo-yo rouge. Là, toi, t'appelles chez vous, maman, on a-tu encore le coffre à jouer avec le yo-yo rouge? Ah non, avec là, t'appelles la petite cousine, tu débarques à Québec. Tu le voles au petit gars qui joue dehors. Non, ouais, ta garderie. Tout le monde joue au yo-yo. Donne-moi ton yo-yo. Ta garderie. Pas permis. Pas permis? Pas permis. C'est une arme, les gars. Ils vont barricader aujourd'hui pour 24 heures. Donc, la halte garderie sera fermée pour les 24 prochaines heures. Mais c'est ça qui est intéressant parce que les gens retournent dans leur coin de pays. Des fois, c'est prendre une photo à côté de telle statue qui se trouve à Montréal. Et là, les gens se promènent, se donnent en mission dans les associations qui va chercher quoi. Et le but, c'est 24 heures plus tard, donc demain à 15 heures, de présenter l'ensemble des objets de la liste que tu vas avoir réussi à trouver. Puis chaque objet valant des points. Exactement. Dépendamment de la difficulté. Oui, il faut aller laisser son imagination des fois. Oui. Cool. On peut continuer. Il y a quand même le défi S3, qui est quand même une activité assez huge. Du snow sur le campus, c'est bien ça? Oui, exactement. C'est le pavillon. Oui, on part du toit, puis du toit. Puis on va voir comment tu ratterris. Et puis, ça débute à 11h, c'est devant le CAPS. Donc, j'imagine que c'est dans la côte. C'est dans la côte entre le CAPS et le pavillon de la santé, exactement. Où il y a eu, tu sais, l'activité, là, l'année passée. Le Jam Day Night. Ah, oui. Oui. Exactement. Ne parlons pas de ça. Donc, défi S3 à voir à partir de 11h. Aujourd'hui, il fait frais, habillez-vous chaudement. Hein, Colette? N'est-ce pas? Une autre activité qui est très populaire, qui commence à 10h, qui est la mort maléfique. En fait, le bain de neige, qui se veut une activité où, en cette journée très froide... Hey, oui. Mon Dieu! Ah, oui. C'est vrai, l'affaire où tout le monde se met tout nu ce jour-là. Tout le monde tout nu! Il fait moins 40! Est-ce que la neige va être peinturée verte comme la mort maléfique d'un zigoto? Écoute, j'ai-tu l'air dans le comité organisateur? Ben, t'as l'apparence de, mais non. Hey, non, mais ça, je sais pas. C'est le comité de la programmation qui nous donne des surprises de jour en jour. Mais la mort maléfique est en fait le traditionnel bain de neige où tout le monde finit tout nu ou presque. Et ils vont vite à l'intérieur après, se retrouvent du chocolat chaud, des petites couvertes et tout. Mais, il y a quelque chose d'important et d'intéressant. Il y a la soupe populaire qui va avoir lieu aujourd'hui même. Drôle, hein? En même temps que le carnaval, mais ça donne bien parce qu'ils vont pouvoir, j'imagine, réchauffer les gens pendant le bain de neige. C'est pas un hasard. Il y a eu une belle collaboration. Ils ont dit la soupe populaire, quelle belle idée. Venez donc nous rejoindre. Donc, et j'ai su de soupe, c'est sûr de qu'elle soupe, est sûr. À voir. Tu savais pas c'est quoi la sorte de la soupe. Ah, Mathieu, tu vas capoter. Tu vas capoter. OK, il y a trois ingrédients principaux. OK, de l'eau. Passe. Non, mais mettons consistant. Mettons, OK, c'est un potage? Non. Il y a des poireaux, du poulet et du bacon! Alors, on va rappeler, c'est quoi le concept de la soupe populaire ici à l'université? Je m'en sac, non? Du bacon! Donc, la soupe populaire qui est partie d'une initiative étudiante, d'étudiants en récréologie, puis qui est en fait, t'apportes ton bol, on te donne de la soupe. C'est gratuit, c'est avec contribution volontaire. Donc, ce qui va permettre, dans le fond, les profits servent à payer les ingrédients pour la prochaine soupe populaire. Donc, c'est un cercle qui permet de faire vivre cette soupe qui est tellement réconfortante. Tellement. Donc, c'est un lieu aussi de socialisation. On sort des tables, on sort des nappes, il y a des biscuits au dos à la table, puis viens donc jaser puis te faire des amis. C'est servi avec bonne humeur, peut-être. Exactement. C'est hey, oh, fun. Et puis, c'est super. C'est super. Donc, la soupe populaire qui commence à 11h. Oui. Et qui est jusqu'à 1h, 1h30 environ. Donc, ou épuisement des stocks, parce que des fois, c'est avant la fin, parce que le monde aime le bacon. Bacon! Fais du bacon! Voilà. Donc, manquez pas votre soupe, apporte ton bol. Si l'as oublié, c'est pas compliqué, on est au carnaval, apporte ton boc. Ah, ben oui, hein? Puis on va te le remplir de petites soupes au bacon. Non, ouvre grand la bouche. Et puis, aussi rapidement, puisque d'habitude, hier, on était lundi. Aujourd'hui, on est mardi. Demain, on est mercredi. C'est comme ça que ça marche. Suivez à la maison. Et puis, il n'y avait pas de match de la Luître hier, puisque c'est ce soir qu'aura lieu un match spécial de la Luître avec des participants du carnaval. Donc, je pense que... Ouh, attends. C'est à 19h. 19h. 19h, c'est au 10-12. Donc, des joueurs de la Luître qui sont affiliés, on peut dire ça, jumelés avec des participants du carnaval. Donc, ça va être intéressant. Donc, vous savez que ça va être au moins 50% bon? Oui! Fait que, allez-y. c'est quand même le fun. Ouais. Et puis, ouais. Finalement, ça en suivra ce soir le show de musique. Exactement. Les trois accords qui auront lieu ce soir au 10-12. On vous attend en grand nombre. Il va y avoir une pas pire performance au 10-12, je crois bien. Donc, pour ceux qui viennent pas de l'université, c'est 10$ pour rentrer. Ceux qui sont pas inscrits au carnaval, c'est 10$ pour rentrer. Les autres, présentez-vous avec votre T-shirt et c'est gratuit. Il y a de l'alcool sur place et on vous attend dans le 10-12. 10-12, juste pour vous. La vie est belle. C'est le carnaval jusqu'à jeudi. Oui, monsieur. On pourra faire une petite récapitulation comme ça, là, à chaque jour. Ah, une récap ou encore une récapitulation pour ceux qui n'ont pas compris. Ouais, et c'est un peu comme tantôt le défi S3. Ça va être au recap. Au caps. Au caps. Au recaps. Au rez-de-chaussée du caps. À l'arrêt au coin du caps. Celle-là, ça peut mériter. Je pense que ça mérite quelque chose. Ça mérite. C'est que c'est légal, puis Bowser? C'est oh, shit. Oh, shit. La seule que j'aime, deux autres. C'est bon? Ils l'ont fait en rappel. Oui. J'étais parti faire pipi. Y a-t-il les effets sonores? Bowser. Non. Plate. Bowser. Puis Bowser. Boule de feu. Des briques. Puis Bowser. Puis Bowser. Un gars qui saute, des planches qui volent. Pis Bowser, du monde qui chante, du feu qui revole. Pis Bowser, la lave, des champignons, des scènes, grosses de même. J'en veux ça. Pis Bowser, pis Bowser, pis Bowser. Une princesse, un petit gars en champignon. Une princesse, puis Bowser. Les murs qui tremblent. C'est pas moi, c'est Bowser. Très juste deux vies, yeah. Puis Bowser. Boule de feu, boule de feu, boule de feu, boule de feu, boule de feu. Oh! Pis Bowser! Une salopette, un casse rouge. Des tuyaux, pis Bowser! Warp, warp, warp to the next stage. Next, next stage. Bowser, le tableau dans l'eau. Les méduses, les poissons, pis le fond. Le monde de la neige dans le toit. Bowser de Sexe Illégal sur l'album 40 ans dans le champ, eux qui étaient au carnaval étudiant lundi soir hier. Oui, monsieur. Et voilà, ça n'a pas fait fureur, mais quand même. Que voulez-vous? Ouais. Mais tu sais, on peut pas tout le temps réussir à se rendre jusqu'à notre but, tu sais. Quing, quing, quing, quing, quing, quing, quing, quing, quing, quing, quing, se rendre au drapeau qui lève sur la... Qui lève, oui. La pôle. Le mât. Le mât. Comme c'est ça. Je l'appelle le dorénavant le mât. Le mât. Le mât. Donc, c'est Kinky Sexy Time où on se parle de choses un petit peu osées pour un public plus ou moins averti. On va avoir un paquet de choses à dire. Par exemple, il y a une condition qui fait que l'engin féminin peut agripper, mais agripper l'engin masculin, faisant que c'est impossible de se retirer. Ah ben, pour l'homme. C'est vrai, c'est le pénis captivus. Une chose qu'on aimerait que ce soit un mythe, mais non du tout. C'est écrit dans les relations hétérosexuelles, lorsque les muscles du vagin vont vraiment serrer le pénis beaucoup plus fermement que d'habitude, de façon plus ferme. Donc, c'est impossible d'en sortir. Quand ça arrive, le couple doit se rendre à l'urgence et les docteurs doivent administrer un relaxant musculaire pour calmer les muscles de l'entregent féminin et relaxer ça pour pouvoir le serrer. Wow! Laisse-moi sortir! Non, pas besoin, mais ça va faire un bon épisode de Le Sexe m'a envoyé à l'urgence, là, que la nouvelle émission de... Non, c'est vrai, une nouvelle émission. Pour de vrai? Sur TLC, Le Sexe m'a envoyé à l'urgence. Ah. Je te jure. Ça, que ça joue, là. Là, là? Là, là. Ben, j'en reviens. Je vais aller l'écouter. C'est au 414. Non, je sais pas, je sais pas le poste. Ensuite, on apprend, tiens, que les fumeurs ont un engin masculin plus petit que ceux qui ne fument pas. C'est vrai, c'est basé sur une étude des chercheurs de la Boston University School of Medicine avec 200 participants. Donc, les fumeurs masculins. À partir des résultats, on peut déterminer que les fumeurs ont en moyenne 1 cm de plus court de longueur de pénis. L'effet négatif de la cigarette sur l'engin est le même que les effets sur le cœur. Donc, les dommages aux vaisseaux sanguins, ce qui rend le passage du sang plus difficile. Il y a une obstruction. Okay, bref. Telle la cigarette, mon pénis part en cendres. Je la trouvais vraiment bonne. Ouais, ben, parlant de pénis, tu sais. Oui. On a utilisé notre quota de 4 jusqu'à maintenant, mention, je pense, ou 5. Oui, quand même. Tu connais John Wayne Bobbitt? Non. Non, c'est le gars qui s'est fait trancher son engin par Lorena Bobbitt, sa femme. OK. C'est un couple américain, marié le 18 juin 1989. Leur relation abusive a gagné, si on veut, une certaine popularité à travers le monde pour un incident en 1993 où Lorena a coupé l'engin de John avec un couteau. Mais ça, c'est l'histoire qu'on connaissait déjà. Par contre, ce qu'on sait peut-être moins, c'est que l'engin a été rattaché par chirurgie, okay? Et que John Wayne Bobbitt a essayé de générer de l'argent de sa notoriété de plusieurs façons. Il a formé un band qui s'appelait The Severed Parts, donc les parties sévèrement ben, coupées, là, si on veut, retranchées, pour payer ses factures médicales et ses factures légales. Le groupe n'a pas eu de succès passé pour générer assez d'argent. En 1994, John est apparu dans un film pour adultes, John Wayne Bobbitt, Uncut, pour essayer de faire encore un petit peu d'argent. Et en 1996, dans un autre film pour adultes, Frankenpenis. Les noms. C'est parfait. C'est parfait. Frankenpenis. Frankenpenis. Il y a des objets sexuels disponibles pour les chiens. OK. Ouais. La Dog Sex Doll, qui est un jouet pour chiens mâles, en tout cas, ou sinon... Les bitch. Les bitch. Oui, c'est ça. Donc, il y a la poupée qui est une femelle et qui met en vedette qui a sur elle un engin de silicone et qui est facile à réserver. Il y a un réservoir facile à nettoyer. Et les poupées viennent en trois grandeurs, donc petite, moyenne et grande. Ça montre une meilleure qualité de vie après l'utilisation. Donc, moins d'anxiété, moins de jappement et moins de démarcation du territoire. Genre, ils essaient de moins de marquer leur territoire. Les chiens ont une meilleure vie en satisfaisant leur sexualité réprimée. Incroyable. Malade. À quand le chien en forme de la scie? De la scie. T'imagines, ton enfant fait comment? Oh, le beau toutou! Ah! Come on! Le mot bang, qui est utilisé c'est un euphémisme pour le mot fourré, si on veut, depuis les années 1600. Fourré, qui est aussi un autre euphémisme. Donc, avoir des copulés, je pense, hein, le vrai mot. Une relation. Une relation sexuelle. Bref, c'est ça dans la langue anglaise, qui, on n'apprendra rien ici, est en constante évolution. Bref, le mot bang voulait dire avoir des relations sexuelles avec. Selon la théorie, on disait que c'était la première fois que c'était apparu, c'était en 1937, mais on parle maintenant qu'en 1677, dans une pièce de Aphra Behn, nommée The Rover, eh bien, il y avait la phrase « We'll both lie with her and then let me alone to bang her ». Donc, on va tous les deux se coucher avec et puis je vais être tout seul, lui sauter dessus, puis la faux. Voilà. C'est à peu près ce que ça voulait dire. C'est en 1600 quelque chose. C'est une belle phrase. Oui. Du grand, grand poète. Ça. Oui, d'ailleurs, je pense que ça se retrouve dans un des agendas. Tu sais, il y a toujours des petites phrases. C'est dans le vagina. C'est ce que dans le vagina. Wow. OK. 8h54. Merci. La femme. Pendant plusieurs mois, il y a une femme australienne qui a eu des relations sexuelles dans son sommeil. Cette femme-là qui avait des relations avec des étrangers pendant qu'elle dormait pendant plusieurs mois. On a trouvé des condoms partout dans sa maison. Ce qui a mené le couple, dans le fond, le couple, elle et son copain, à croire qu'il se passait quelque chose. Il y a un soir où le mari de la femme s'est réveillé pour voir sa femme en train, dans le fond, qui n'était plus dans son lit. Qui n'était plus dans le lit du couple. Après l'avoir cherché un petit peu partout, dans les armoires, il l'a trouvé en train d'avoir des relations avec un autre homme. Là, je ne sais pas s'il a quitté la maison, puis il est en train de chercher tous les voisins pour voir s'il était en train de faire... Parce que je veux dire, c'était pas dans la maison. Où est-ce qu'elle a trouvé un étranger pour faire ça? Mais bon. Donc, ils ont fait des tests psychologiques sur cette femme-là. Pour essayer de déterminer si c'était vraiment vrai qu'elle avait des relations pendant son sommeil. Les psychiatres, dans le fond, ça a été confirmé que oui. Et les psychiatres disent que son comportement comme ça est similaire à quand on parle dans son sommeil ou quand on marche dans son sommeil. Donc, elle avait ça quand elle était adolescente. Et puis, ça a mené vers ça à l'âge plus adulte. Étrangement, tous ses amis garçons voulaient toujours dormir à la maison. Ils sont tachés de maison à côté, ils ont bidé tout de suite. Ah, la maison est libre, ok, j'arrive. Il y a tout le temps des nouveaux petits voisins. Ah, tu t'en as à un moment donné aussi, j'imagine. Mais l'article demande, genre, ben là, comment ça fait que les étrangers ont accepté? Parce que c'est des hommes. La fille va se réveiller et s'en souvient même plus. Tu sais? La vie est belle! Maintenant, on parle un petit peu plus sérieux, ce sujet-là, ici. On parle de trafic sexuel qui a lieu souvent autour du Super Bowl. C'est une des dates les plus communes pour le trafic sexuel et un des endroits les plus communs aussi. Selon les victimes les plus récentes de trafic sexuel, le moment le plus populaire de l'année pour être forcé et forcer d'autres gens à participer à ça, c'est autour du Super Bowl. Pourquoi? Ben, parce que ça rassemble de grandes foules. Donc les esclaves sexuels sont souvent amenés proches du stade et ils doivent avoir un certain nombre de relations. Et puis s'ils n'ont pas le nombre de relations prévues, ben, ils se font battre puis des affaires comme ça. Donc c'est super intense. Mais bon, le Super Bowl qui n'a pas que des avantages. Et les villes qui accueillent le Super Bowl sont au courant que ça amène du trafic sexuel. Mais ils ne savent pas quoi faire avec ça. C'est ce qu'on dit. Ils ne savent pas quoi faire. Maintenant, il y a un médicament pour contrôler les naissances. Tu sais, une genre de pilule contraceptive, okay, comme on l'appelle, qui s'appelle Depo Provera. Donc, un contraceptif qui est injecté une fois par 3 mois dans la cuisse ou dans les fesses. Bon, ben comme les clés. Il n'y a pas que les clés qui vont là, comme celle de JP. Mais bon, on est supposé faire ça 4 fois par année chez la femme et ça donne une protection instantanément. C'était approuvé par le FDA et toutes les affaires légales aux États-Unis. Par contre, une des choses, c'est qu'on l'utilise pour d'autres choses, pour traiter les violeurs, les hommes qui font des mauvaises choses. Donc, techniquement, c'est que c'est une castration chimique. Ça a l'effet de réduire la libido masculine tellement que le pénis devient inutile. Donc, on considère ça comme une façon un petit peu plus gentille, si on veut, parce qu'on n'a pas à couper. Chop-chop. À la place, on utilise un médicament. Eh bien. Il y a un parc à Amsterdam où on peut avoir des relations sexuelles en public, ça va être ça. Non. C'est tout à fait vrai. Amsterdam, qui est la capitale et la ville la plus remplie des Pays-Bas. Donc, Amsterdam, qui est une des seules villes au monde où l'utilisation de la marijuana est légale et la prostitution l'est aussi. Et Amsterdam a un parc très célèbre où on a le droit d'avoir des relations publiques. Ben, c'est ça, en public. En temps qu'on ramasse ses condoms à la fin et qu'on le fasse le soir ou la nuit. Il y a, au lieu d'avoir un petit chien qui fait caca là, avec un X dessus, là, il y a comme quelqu'un avec un condom qui le jette et un X dessus. Est-ce qu'il faut que tu le mettes à l'envers dans ta main pour pouvoir ramasser? Non. Ça n'a pas de lien du tout. Non, mais très bonne. Merci. Et finalement, il y a un village au Brésil où ils partagent tout, dont les partenaires sexuels. Ah! C'est la tribu Canela Native American of Central Brazil. Donc, les Canela, comme on les appelait, qui ont été contactés pour la première fois par des pionniers militaires, par les forces militaires, oui, dans les années 1700. Mais bref, on les a découverts à ce moment-là, mais ils existaient avant. Ils sont quand même très marginaux et ils vivent dans leur propre réserve. C'est comme ça qu'on appelle ça, une réserve, comme les Amérindiens, si on veut. Ouais, réserve comme ça. Bref. Qui est quand même, c'est ça, ils sont quand même protégés et il n'y a personne qui vient les déranger, surtout parce qu'ils n'ont absolument rien à offrir. Là. Ils n'ont pas d'or, pas d'huile, pas de noix, il n'y a absolument rien à exploiter. Donc, il n'y a personne qui dérange. Mais les Canela Indians au Brésil partagent tout, dont leur partenaire sexuel, ce qui garantit que tôt ou tard, à peu près tout le monde dans le village va avoir eu des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Wow. Dans la tribu. Intéressant. Voilà pour Kinky Sexy Time. Kinky. Au retour, Alexandra Carignan, sa chronique Le temps d'une culture. OK. On parlait culture. Ben, c'est pas mal ça que tu te dis. Hein? Pas mal ça. Ouais. Ça valait pas l'explication. Hein? Non. C'était écrit en tout petit. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis avec Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Mais oui, mon ami. Oui. Mais oui, mon ami. Est-ce que tu as trouvé ce qu'on cherchait? Oui. Okay. Parce que là, Internet ne marche pas, donc on n'a pas l'intro d'Alexandra Carignan. C'est la seule qui est sur Internet, puis un jour, j'apprendrai ma leçon. Mais JP, tu as quelque chose pour patcher un peu, hein? C'est ça. Faut t'enlèves le bouton buzzer. Là. C'est vraiment barche à foin. Ça sera pas long. Mais... ben, j'imagine, ouais. Ça l'autre. C'est le LTE, pourtant, qui est souvent plus rapide qu'une connexion Internet. Ouais, mais il cherche... parce qu'il est encore sur le Wi-Fi. Ben, quand même. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu malaisant, je trouve. Hein? Mm-hmm. C'est un peu long. Ben, je pense qu'on va abandonner le projet. Non, ouais. C'est plate, ça. Oui, shake ton téléphone, voir ça marche. Shake-le. OK. Donc, Alexandra Carignan, je sais que t'aimes pas parler avant une intro, mais je vais t'en imiter une, alors. Hey, Sandra Carignan, salut! Ça prenait le poum. Ben, je pense que je vais donner quand même un morceau de robot pour l'effort. Ben, quand même, je fais vraiment attention là, à mettre de l'effort dans tout ce que je fais. Et je dois avouer que je dis tout le temps un morceau de robot, mais je suis pas. T'es vraiment à temps, tu sais. Oh. En là, même temps qu'Internet, d'ailleurs. Hein? Ouais. Pareil comme j'ai fait. Continue, tu n'as pas l'air de parler, tu laisses ça de même. Je vais devoir baisser le main. Alexandre Razu! Bonjour! Hey, c'est pareil, la même sonorité. Et tout. Donc, on parle d'art et spectacle ensemble. Hey, ben oui, parce que même si c'est le carnaval, la culture n'arrête pas pour autant. Hey, c'est tellement sage comme parole. Hein. Oui, vraiment. Ça va être dans un agenda. Laisse pas passer. La chose est cultivée. Je devrais copyrighter mes trucs parce que vous me les piquez. Oui, on fait des slogans avec, par exemple, ton slogan fétiche. Les extrêmes, ça nous anime. Les extrêmes, ça nous anime. Je trouvais ça génial. Mais je suis contente, tu sais. Je suis comme Robinson, mais comme je vais pas vous poursuivre. Je suis juste contente là, que ça soit arrivé. Merci. Là. On se fait tellement menacer de poursuites tout le temps que c'est bien de savoir que tu ne nous poursuivras pas. Hey, écoute, cette semaine, il y a vraiment plein de choses. Ben, en fait, il y en a beaucoup et il y en a beaucoup. Okay. On va les compter sur les doigts de quelques mains. Ben là, en fait, je vais en mentionner quatre. Donc, okay. Une main de la plupart des gens. Oui, de la plupart des gens, parce que je ne sais pas s'ils ont une malformation. Je ne suis pas là pour juger, moi. Je suis là pour montrer des faits. Alors, premièrement, en fait, on va se diriger vers le cinéma. Ça n'en parle pas souvent, ça ne m'arrive pas, mais récemment, j'ai découvert quelque chose. Le tapis rouge. Non, ça, tu nous avais déjà parlé du tapis rouge. En fait, oui, c'est ça, je vous ai déjà parlé du tapis rouge, mais ce qu'ils ont commencé depuis quelques temps et que j'adore, c'est qu'ils vont présenter des films relativement courus en version originale. Originale. Alors, là, on sait à Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Parce que le tapis rouge, bon, la convention du fait que c'est un cinéma indépendant veut qu'il passe des films qu'on connaît plus ou moins pas si on lit pas la section film du devoir. T'sais. C'est ça, c'est de répertoire, c'est des films un petit peu plus oui, peut-être bien cotés par la critique, mais pas par le public. Exactement. Mais là, ce qu'ils ont commencé à faire, éventuellement, ben, c'est sûr qu'ils vont pas passer des Avengers en version originale, là, on se cache pas la tête, mais ils vont aller chercher des films comme Dallas Buyers Club, American Hustle, qu'ils vont présenter en anglais. Et personnellement, moi, je suis tellement contente parce que c'est le genre de film que je ne veux pas voir en traduction française. Tout à fait. Parce qu'ils sont disponibles en français à Trois-Rivières. Oui, c'est ça. C'est des films qui sont disponibles au cinéma Fleur de Lys ou encore au cinéma du Cap, mais en version française. C'est qu'en français, ils sont tout le temps traduits comme tous les autres films. Il n'y a aucun souci de... genre rendons les émotions qu'il y a dans le film. C'est juste, bon, on traduit un film comme tu sais à botch, comme ils font tout le temps, puis après, ça, ils sortent au cinéma. Tu sais, c'est correct pour certains films. Oui. Là, 10 choses que je déteste de toi, je vais l'écouter en version française toute ma vie. Mais des films comme Dallas Buyers Club, qui a gagné, en fait, au Golden Globe, le meilleur acteur avec Matthew McConaughey et le meilleur acteur de soutien avec Jared Leto, je me dis que le but, c'est dans leur jeu, mais surtout dans leur interprétation de leur personnage. L'avoir en traduction française, c'est quand même, ça gâche un peu la chose. Alors, en fait, le 15 janvier dernier, qui était mercredi passé, mais ils le représentent aussi cette semaine. Ils l'ont présenté en version originale anglaise. Et d'ailleurs, là, c'était un mercredi après-midi à 13h, mais la salle était pleine. Tu t'attends pas à ça un après-midi de semaine? Je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, j'habite en face, là, littéralement en face. De ma chambre de coucher, je vois le tapis rouge. Puis on est parti. Le film était à 13h. Fait qu'à 50, on s'est dit, ben, on va s'en aller. Il y avait une file qui dépassait les portes. Oh. Oui, alors il y avait énormément de monde. C'est quelque chose que j'apprécie, en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de monde. Parce qu'on veut pas que ça ferme. Ben oui, c'est ça. C'est puis on veut les encourager aussi pour continuer à faire ça. Surtout qu'il y a certains cinémas de la région qui ont commencé les lundis répertoires. Et pour un moindre coût, là, t'as des films de répertoire. Je trouve ça poche. Oui. Surtout comme 6 mois après que le tapis rouge soit ouvert. On se calme les nerfs, là. C'est pas de la compétition, là. C'est juste un plus. Yeah. Mais bon, ça, c'est ma partie éditoriale de la chronique. Alors, je vous conseille fortement d'aller voir régulièrement sur le cinéma tapis rouge. Ils n'ont pas un énorme calendrier à venir. Ils vont vraiment, là, Ben, à venir, c'est ce qu'il va y avoir la semaine prochaine. Ouais. Donc, ils vont pas y aller sur ce qu'il y a le moins parce que je pense que c'est beaucoup au pouls du public qui si vont... Si ça fonctionne, ils vont c'est continuer ça. De le montrer. Exactement. Mmh. Et donc, là, si vous voulez voir Dallas Buyers Club, je l'ai vu, c'est excellent. Un excellent film qui a d'ailleurs été fait par un Québécois, Jean-Marc Vallée, qui a produit Crazy. C'est le producteur de Crazy, mais aussi Café de Flore avec... avec l'acteur. Ben, je pense que c'est Kevin Parent. Ah oui? Ah. Ben, il est là-dedans. Non, je me souviens pas. Oui. Puis, c'est ça. Voilà. Alors, Jean-Marc Vallée, qui a produit ce film-là, qui est excellent. L'histoire, en fait, de Dallas Buyers Club, c'est l'histoire de Ron Woodruff, qui est une histoire vraie, d'ailleurs. Donc, un Texan dans les années 80. Et là, Texan, hein, donc, alcoolique, qui aime les femmes. Non, pas... Ben, non? Oui, mais pas particulièrement. Okay. Tu sais, c'est pas... À cette époque-là, dans les années 80, c'est pas l'avènement des guns. OK. C'est plus les années 90, là, qu'il va avoir des guns, puis tout ça. Mais donc, Ron Woodruff, c'est un rodéo. Donc, un électricien qui fait beaucoup de rodéo, qui aime beaucoup les femmes, la drogue et l'alcool, et comme un homme de son temps, surtout que ben, Dallas, Texas, sud des États-Unis, qui est très homophobe, et qu'il se rend compte, en fait, il y a eu un accident au travail. À l'hôpital, on le piste positif pour le HIV. Qui est le virus du sida? Et lui, il fait non, je suis pas pédé, je peux pas avoir le sida. Parce que dans la tête des années, dans les années 80, lorsque t'as le sida, c'est que t'as eu des relations sexuelles avec un autre homme. Ouais. Mais bon, on lui apprend que c'est aussi peut-être parce que ça peut être des relations sexuelles avec une personne qui a eu de la drogue souillée, et ainsi de suite. Donc, lui se retrouve avec le sida. On lui dit, vous avez 3 semaines à vivre. Et les médicaments ne sont pas bons. Pour, en fait, les médicaments ne sont pas développés aux États-Unis. Donc, c'est lui qui se retrouve face à cette situation-là. Il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de médicaments qui proviennent du Mexique, qui sont efficaces contre le sida, mais qui n'ont pas été approuvés par les États-Unis. Donc, ce qu'il va devenir, eh bien, c'est un dealer de drogue pour les personnes ayant porté, portant le virus du sida. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il va se lier d'amitié. Là. Au début, ça commence quand même rough, là, avec un travesti qui est incarné par Jared Leto, donc Rayon. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une amitié qui est très véridique. C'est pas au début, je t'haïs, puis finalement, à la fin, je t'aime d'amour. Là. Il y a quelque chose de vraiment senti parce que Ron, c'est un homme. Là. Tu sais, les sentiments, là... C'est quelque chose qui est assez loin, là. Mais Matthew McConaughey le joue tellement avec une belle nuance que ça en est vraiment touchant. Là. J'avoue, j'ai versé une larme à la fin du film. C'est vraiment un bon film. Jared Leto et Matthew McConaughey ont vraiment mérité leur statuette du Golden Globe. Ils sont aussi en nomination pour les Oscars. Et selon moi... Il y a des bonnes chances. D'ailleurs, ils ont aussi gagné... un prix, en fait, j'en sais plus c'est quoi le gala, mais c'est un gala qui... Les SAG Awards, ou les, je sais qu'il y avait ça en fin de semaine, il y avait d'autres choses, les Writers Guild, quelque chose? Non, ben je m'en rappelle plus c'est quoi. Je m'en rappelle plus pour vrai c'est quoi. Mais c'est un... Ce que je me rappelle que c'est, par exemple, c'est que c'est un gala qui va souvent tâter le pouls pour les Oscars et ce qui se fait là va souvent annoncer pas mal ce qui va se passer aux Oscars. Et Matthew McConaughey et Jared Leto ont gagné meilleur acteur et meilleur acteur de soutien. Des vraies marmottes. Alors, ça annonce le printemps. J'ai comme ma marmotte. Voilà. Étrangement, j'avais comprise. Hey! C'est incroyable, hein? T'avais comprise? J'avais comprise. Mais la blague, je l'avais comprise. Okay, J'avais compris. La blague. Mais je pensais pas partir d'une controverse dans cette blague-là. Est-ce qu'on comprise ou on comprend? J'ai comprise. On sait pas. Mais, bref, si je vous... Je vous conseille d'aller voir le tapis rouge cette semaine, en fait, mercredi, donc soit demain, à 12h. Wow! À midi 45. Nouvelle controverse! 12h15, comme on dit dans le domaine. À midi 45, il va y avoir la version originale anglaise avec sous-titres français pour ceux qui sont plus hésitants, parce que Dallas Buyers Club était présenté seulement en anglais. Donc là, il est en sous-titres français. Ça va être à Arnaque américaine, je vais le dire. Arnaque américaine, donc American Hustle, avec entre autres Christian Bale, Amy Adams et la belle Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, d'ailleurs, qui a gagné la meilleure actrice de soutien dans un drame, et Amy Adams, qui a gagné la meilleure actrice dans un drame au Golden Globe. Quand même. Et d'ailleurs, Arnaque américaine a gagné le meilleur... pas le drame... le meilleur film comique. Les catégories sont confuses. Ouais, c'est ça. Pour le film, en fait, ils ont battu Wolf of Wall Street. Donc, mine de rien. Alors, c'est présenté au Tapis Rouge version anglaise demain à 12h45 ou à 18h30 pour ceux qui ont du travail le jour. Sinon, évidemment, ils passent aussi la version française. Et d'ailleurs, l'après-midi, c'est seulement 7h50. C'est le fun. Ben oui. Alors, c'est ça. Comme je vous ai dit, regardez bien le Tapis Rouge. Ça vaut la peine de voir ce qu'il présente. Toujours dans l'aspect un peu plus cinéma, eh bien, c'est les nouveautés de l'ONF qui s'amènent à Trois-Rivières. L'ONF. Qu'est-ce que l'ONF? C'est en fait, tous les films récents qui ont été produits par l'ONF, ils viennent à Trois-Rivières et sont projetés gratuitement dans différentes salles. C'est vraiment intéressant et c'est souvent des documentaires qui sont connus. Là. L'année dernière, on avait eu l'industrie du ruban rose qui présentait comment le cancer du sein est devenu une marque. C'est du marketing ouais. Maintenant. Et depuis que j'ai vu ce documentaire-là, là, regarde-moi bien pas acheter les rubans roses à la pharmacie. Ton veston, il est comme rose mauve plus, hein, c'est ça? Là, j'ai le droit de porter du rose pareil. Hey, sois conséquente. Je vais certainement pas acheter quelque chose qui encourage ça. Ouais. Je vais plus aller mettre mon argent ailleurs. Mais bref, ils passent des excellents documentaires et cette année, ils se sont donnés à fond. En fait, ça commence ce vendredi, le 24 janvier, avec Ron Turcotte, Jockey légendaire. Pour moi, c'est sûr que j'étais pas née, mais dans les années, à la fin des années 78, Ron Turcotte. Les années 78, là. Les années 78, 1978. À peu près. Il passait tellement de choses dans cette année-là. Bon. Oh là là. Hey, t'as pris JP, je te reprends. Après ça, JP va me reprendre. C'est correct, ouais. C'est correct. Alors, dans les années 1970, Ron Turcotte était un jockey vraiment très, très, très populaire. Il est d'ailleurs un des seuls à avoir gagné la triple couronne américaine. Jockey, c'est... les chevaux, hein? Les chevaux, okay. C'est ça. J'étais pas sûr. Oui, c'est ça. Donc, lui, c'est un jockey acadien, donc qui vient quand même du coin. Mais en 1978, soit 5 ans après avoir gagné la triple couronne américaine, il fait une grave chute qui lui fait perdre l'usage de ses deux jambes. Donc, il va quand même rester vraiment connecté à ce monde-là. Et c'est un documentaire qui raconte sa vie, qui raconte sa gloire, mais aussi comment il a réussi à passer par-dessus son handicap pour quand même être présent. Ce documentaire-là, vu qu'il parle des jockeys, va être présenté à l'Hippodrome de Trois-Rivières. Ah, bonne idée! Donc, un petit bonus. C'est gratuit, hein, je vous le rappelle. C'est à 19h30 et sachez que Ron Turcotte lui-même va être là à la projection du film pour parler de tout ça, du documentaire. Évidemment, c'est un peut-être parce qu'il est quand même rendu dans les 80 ans. On a quand même mentionné qu'on veut l'avoir, que lui aussi, il veut être là, mais que ça dépend de son état de santé du moment. Mais bref, ça vaut quand même la peine de voir le documentaire. Donc, c'est ce vendredi 24 janvier. Le 28, c'est un documentaire qui a l'air vraiment excellent. Moi, je peux pas y aller et je m'en veux. C'est Le prix des mots de Julien Fréchette, qui est un thriller documentaire sur la grande poursuite qu'il y a eu en rapport avec le livre Le Canada noir. C'est en fait Alain Deneau qui a écrit le livre Canada noir et qui parle du carnage que les compagnies minières canadiennes font en Afrique. Et les compagnies minières ont poursuivi Alain Deneau pour 6 millions pour diffamation. C'est une poursuite qui a duré extrêmement longtemps et finalement, en fait, malheureusement, Alain Deneau a perdu. Et il n'a pas nécessairement dû donner 6 millions, mais son livre est banni du Canada. On ne peut pas lire Le Canada noir puisqu'il a été complètement banni. Alors, c'est un documentaire qui parle de la liberté d'expression. À quel point, quand on a des faits, quand on a une opinion, on peut le faire? Parce que c'est ça, là, la grande question. C'est le Canada... En fait, le tribunal a jugé que les minières avaient raison à un certain point. Alors, c'est très intéressant de voir ça. C'est donc le 28 février. Celui-là va être présenté à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Ça vaut la peine d'y aller. Moi, je ne pourrais pas être là, mais allez-y. Ne serait-ce que pour comprendre un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est très, très difficile. Il va y avoir le documentaire « Donc, nous n'étions que des enfants ». Nous n'étions que des enfants, c'est un documentaire fiction, en fait, sur les Autochtones les pensionnats autochtones qu'il y avait au début du 20e siècle. C'est une histoire vraiment tragique parce que je ne sais pas si vous savez c'est quoi un peu les pensionnats autochtones. Non. Bon, donc au début du 20e siècle, rapido presto, là, on dirait je vais présenter tout à l'heure intéressant. Tout à l'heure intéressant. Alors, en fait, au début du 20e siècle, la religion catholique au Canada va décider d'assimiler les Amérindiens. Donc, on veut qu'ils deviennent des catholiques, on veut qu'ils deviennent des Occidentaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de l'âge de 4 ans, tous les Amérindiens enfants n'auront pas le choix d'aller dans un pensionnat où est-ce qu'ils seront éduqués à la manière catholique. Récemment, il y a eu vraiment un recours face à ça. En fait, il y a eu la Commission de vérité et de réconciliation du Canada qui a été mise en place parce que dans ces pensionnats-là, il y a eu des choses vraiment tragiques, dont abus sexuels, violences, vraiment, là, c'était... Les classiques dans ce domaine. Les grands classiques dans ce domaine-là. C'était à tel point que si tu parlais ta langue amérindienne dans le pensionnat, on te frottait la langue avec du savon pour ne pas que tu le fasses. Donc, c'est vraiment... c'est troublant, en fait. Et là, ce qui est encore plus troublant, c'est que c'est un documentaire fiction qui relate les faits de deux témoins qui ont vécu ces pensionnats-là. Donc, on a les deux témoins qui parlent et on a une reconstitution de ce qu'ils ont vécu. C'est un peu comme les Vendredis policiers à Canal D. Mais... un peu comme les Vendredis policiers. Mais encore plus trash. Oui, et d'ailleurs, c'est pour un public averti. Hein? On le mentionne, c'est pas pour n'importe qui. Alors, ça va être un mercredi. Et là, je vais le mercredi 29. OK. Ça a du sens. Alors, oui. C'est ça, je confirme. Ça a un petit peu de sens. Le 4 février, il va y avoir le documentaire « Vie pigmentée », qui est en fait, qui parle de l'histoire du colorisme. Ah, c'est pas le documentaire sur Piment Fort. Hein? Non, c'est vraiment... Que j'attends depuis toujours. Un peu plus tragique, puisque le colorisme, c'est quelque chose qui est en Inde, où est-ce qu'on veut... En fait, il y a une discrimination intra-ethnique dans les pays orientaux. Fondée sur la nuance de peau. Donc, il y a plusieurs personnes hindoues riches qui veulent changer de couleur de peau pour avoir l'air, mais en fait, pour être mieux vu. Et d'ailleurs, là, il y a des trucs, on prend des albinos pour faire des tests pour aller chercher leur pigmentation de peau. Là. Donc, le colorisme, c'est quelque chose qui est... C'est un aspect de la vie qu'on ne sait pas, mais en Inde, c'est très important. Et il y a des trucs pas très... C'est ça, pas très sains qui se font par rapport à ça. Donc ça va être le 4 février prochain. Le 5 février, il va y avoir le documentaire « Sexe à vendre » qui est très d'actualité parce que ça va parler de la législation concernant la prostitution. Donc, un documentaire qui parle particulièrement du cas ontarien. Où est-ce que, bon, les lois sur la prostitution datent du 19e siècle. On se rend compte que ça marche plus. En fait, c'est plus d'actualité. On ne dit pas nécessairement que la prostitution va être légal, mais on doit retravailler les lois. Le documentaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les deux points de vue. On voit les points de vue de ceux qui sont contre. Ben, la prostitution, c'est sûr qu'on est contre. mais il y en a aussi qui... Ben, en fait, les travailleuses du sexe vont venir voir pour montrer leur point, en fait, que de légaliser la prostitution, ça va aider à la contrôler. Et comme ça, il y aura moins d'abus qui vont être faits sur les travailleuses. Alors ça va être très intéressant. Sexe à vendre, présenté le mercredi 5 février. Le jeudi 6 février, ça va être la question d'Alzheimer qui va être développée avec le documentaire Absence. Il va y avoir aussi Sarah Pauley qui a dirigé Les histoires qu'on raconte. Sarah Pauley, pour ceux qui se demandent qui c'est la jeune fille dans Les Plaines d'Avalon. L'émission, là, les Avalon, là. En tout cas. Oui, Avonlea. Avonlea, c'est ça. D'accord. C'est elle. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle va faire une propre recherche sur sa famille. Il y avait plusieurs secrets et elle a décidé de documenter ça. Très intéressant. Ça l'a d'ailleurs ça a été en nomination là, aux Oscars l'année dernière. Et finalement, Le Chant des Ondes, qui est un documentaire, ça va closer là, le tout. Le Chant des Ondes va être présenté et ça parle des ondes de Martenot, ce que je ne connaissais pas. Et là, mon copain m'a dit, ben oui. Ben là. Radiohead utilise ça tout le temps, les ondes Martenot. C'est une espèce de piano sensoriel. C'est vraiment spécial. Et ça a été, en fait, c'est un piano qui va répondre... Hey, je sais pas, c'est quoi finalement? C'est vraiment cool, bro. C'est un piano vraiment spécial qui a été développé au début de l'invention de l'électricité. Et au début de l'invention de l'électricité, ce piano-là, on trouvait ça vraiment trop... c'était trop avant-gardiste là, pour la fin du 19e siècle ou est-ce que c'est beaucoup plus des auteurs classiques? Un instrument comme celui-ci qui sonne très synthétique, là, c'est un instrument qui a été inventé avant son temps. Ouais. Donc, c'est un documentaire là-dessus qui retrace un peu ça. Et d'ailleurs, le membre de Radiohead qui l'utilise est dans le documentaire pour les intéressés. Cool. Wow. Alors, là, je vous ai mis ça en rafale. Mais il y a aussi des courts-métrages qui sont présentés. Il y a un partenariat avec le Centre d'exposition Raymond Lanier pour les jeunes. Et aussi, les petites vues au Centre culturel Pauline Julien qui présentent des courts-métrages pendant une soirée complète. Il y a vraiment plein de choses qui sont développées pour les nouveautés de l'ONF. Je vous invite à aller voir sur culture.v3r.net ou juste taper nouveauté de l'ONF Trois-Rivières et vous allez avoir la programmation complète. Ouf! You. C'était si long. Finalement, je vais vous parler grosso modo d'une exposition qu'il y a au Centre culturel Pauline Julien de Tania Morand qui présente des dalles urbains entrelacées. Et elle, ce qu'elle fait, c'est de la peinture, mais de la photographie aussi. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend une photographie, elle l'imprime sur sa toile et par la suite, elle modifie la photographie. C'est comme du Photoshop, mais humain. Photoshop à la main. C'est ça, à la main. Mais c'est très intéressant parce qu'elle a en quelque sorte délimité, on voit d'où part la photographie et l'univers qu'elle en ressort. C'est vraiment beau. Et c'est particulièrement intéressant dans certains. En fait, elle expliquait, là, quand on le dit, on ne sait pas, là, mais il y a des photos où est-ce qu'elle a... Elle a superposé deux photographies, mais les luminosités n'étaient pas différentes. Donc, une a été prise en plein soleil et l'autre a été prise en très nuageux. Donc, il a fallu qu'elle retravaille toute la luminosité des peintures. C'est vraiment beau ce qu'elle fait. Et elle a aussi une nouvelle série qui présente deux bâtiments, en fait. Il y a un bâtiment, donc c'est Trois-Rivières. Et on voit des craques dans le bâtiment qui lui donne sur un autre bâtiment. Mmh. C'est vraiment beau. Pour vrai, là, c'est une belle exposition au Centre culturel Pauline Julien. C'est gratuit, je vous le rappelle. Hein? Et c'est présenté jusqu'au 16 février prochain. Vous avez le temps encore d'aller voir ça. Le Centre culturel Pauline Julien est ouvert du jeudi au dimanche de 1h à 5h. Sinon, évidemment, ce soir et la semaine prochaine, ce soir, c'est la Lime. Oui. Les Blancs vont rencontrer les Mauves. Les Mauves qui ont pas mal torché les Oranges la semaine dernière. On va voir si les Blancs vont leur donner un peu plus de fil à retordre. D'ailleurs, les Blancs qui ont cette semaine encore, là, ça fait un bout de temps. Ils n'étaient pas là au début, mais Marc-André Fortin qui fera partie de l'alignement des Blancs ce soir à la Lime. Donc, 20h, 5$ étudiants, 6,50$ adultes. Yes. Voilà. Et voilà, cool. Hey, j'ai terminé mon topo. Ouh. Ouf, je vous ai garoché plein de culture. Ça a plus d'allure. Moi, j'ai la face pleine de culture. Je pense que j'en ai un petit peu sur le bord de la bouche. J'essayais de te reprendre pour boucler la boucle. Il faut que je te reprenne. Mais non. C'est pas grave. T'en as un en banque. Oui. Je vais pouvoir le ressortir à un moment donné. C'est un bon différé qu'on appelle. Oui. De blague. C'est plus un mauvais différé dans mon cas. Merci Alexandra Carignan. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine, c'est les mardis à 9h. Yes. Oui. Oh, oui. Nous, on a presque terminé l'émission. Presque. À quelques minutes. Plus tôt dans l'émission, pour ceux qui étaient là, vous avez appris. Pour les autres, on vous le réapprend parce que ça reste pertinent. Qu'il y a de la soupe qui va être disponible tantôt. Oui. À 11h le mardi matin. Juste après le bain de neige. Oui, juste après. Café Baileys. On a un méchant beau matin pour vous dire. Mais, hein. Ce qui nous a rappelé Rouge Pompier avec leur album Kevin Bacon. Bacon, tu sais. C'est Bacon. Mais ils n'ont pas d'album qui s'appelle. Il n'y a pas de pièce qui s'appelle Kevin Bacon, malheureusement. T'sais. Fait qu'on va devoir y aller avec l'extrait du palmarès. Voici Dédompter ton chien. Et voilà. Dédompter ton chien. Dédompter, j'ai dédompté ton chien. Il montait sur le divan, mangeait de la crème glacée. C'était le plus beau week-end de sa vie. J'ai de la crème glacée. C'était le plus beau week-end de sa vie. On s'en rappelle jamais comment on écoute cette chanson-là. Hey, oui, c'était Dédompter ton chien de Rouge Pompier. Oui, monsieur. C'est la fin de cette édition d'Assemblage Requis. Oh! Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Oh, plusieurs. On remercie évidemment Alexandre Carignan. Oui, Marie-Laurence Audet. Mm-hmm. Jean-Samuel Gay. Oui, pour sa première chronique sur les autos. C'était le fun. Oui, c'était très cool. Très bonne émission aujourd'hui. Soyez là demain pour Justine Renaud qui va nous faire tourner un album de sa jeunesse dans Justine aux platines. On va acheter quelques gadgets qui valent plus ou moins la peine dans 5 semaines, ça devrait répondre là. Et Stéphanie Paradis va être là pour co-animer l'émission avec moi. Ben oui, c'est vrai. Toi, on te revoit lundi prochain. Ben oui. Ben, ah. On devrait se recroiser, nous deux. Ça devrait... Logiquement, je pense qu'on va... Si la tendance se maintient. Si c'est pas, genre, tous les jours, jusqu'à... Toujours. Ouais, exact. Ouais. Jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que mort s'en suive. On se quitte avec une pièce de David et les Bois, c'est Scaphandre sur le palmarès francophone. À demain, JB. Hey, bonne journée. C'est fou.ca. Oui, puis assemblagerequis.com. Pour la programmation, puis toutes les balado-diffusions, puis les notes de l'émission, tout est là. Allez-y. Ben trop d'affaires, tenez. Ouais, ben retenez juste c'est fou.ca, parce qu'il y a le lien pour aller à Assemblage Requis. Tu cliques sur le logo, puis ça t'amène dessus. C'est tellement facile. C'est pour les épées. Ben oui. Bye. Bye. Je sens